count of three. One, two, three, let's go. De 22h à minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez, bonsoir tout le monde, il est 22h01 tout pile. On est parti sur Énergie jusqu'à minuit. On termine la soirée, la journée ensemble, les deux dernières heures de la journée. Okay. J'espère que ça s'est bien passé, les gars, ce gros des examens aujourd'hui. Je sais que le brevet, c'est dans. On est combien? On est le 26, donc c'est dans 3 jours. 29-30, et bah soyez les bienvenus. On est en direct absolu, aucune seconde de décalage. On se fait de la radio ensemble le soir. On se fera notre nouveau jeu qu'on a commencé la semaine dernière, le jeu de l'arme du crime tout à l'heure. Je prendrai deux membres de mon équipe. Une main innocente dans le couloir donnera un pistolet à eau, minuscule, rose ou bleu, à l'un des deux. Il faudra deviner qui le porte sur lui. Ils essaieront de se défendre. Et c'est vous qui voterez pour celui qui ment ou celui qui ment pas. Ça s'appelle le jeu de l'arme du crime. On a commencé la semaine dernière, c'était magnifique. Du coup, on va le refaire ce soir. On vous filera des cadeaux. On a récupéré plein de drones tout à l'heure. Des DJI, les drones Phantom 3 qui défoncent. Là, je vous les file avant la fin de l'émission. Il y a la Starac aussi, avec deux d'entre vous qui allaient venir chanter. On a l'énigme aussi. On a récupéré plein de trucs. Donc, toute la soirée, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir avec l'équipe, il y a tout le monde qui est installé. Il y a Flo des cadeaux qui est là déjà. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va la journée, ouais. Ouais, ça va tranquille. Rien de spécial. Non, des nouveaux cadeaux qu'on a chopés. Ouais, c'est vrai. Flo des cadeaux, il est allé chercher lui-même les cadeaux de tout à l'heure. T'as récupéré donc. Ouais. Des séjours à Disney. Des séjours à Disney et des drones DJI, les Phantom 3. Très bien. Et les séjours à Disney, ça comprend l'hôtel? Alors c'est un peu spécial en fait. Il y a un festival électro à Disney. Du coup, on vous offre le séjour pendant 2 jours. Plus l'entrée au festival. Comme ça vous pourrez faire les attractions la nuit. Plus la rencontre avec Steve Aoki. Ouais, avec tous les DJ qui seront là-bas. D'accord. À quel moment t'allais le dire? J'ai la rencontre. pour l'annoncer, parce que c'est quand même ça qui est génial. Non, mais il y a plein de trucs, ouais. Il y a plein de trucs. Bah, dis-les, justement. Ouais. Attends, c'est 2 jours et 1 ouais. nuit à Disney. Voilà, le 8 juillet. Ça coûte 800 balles la nuit. Bah, ouais, normalement. On a pas pris l'hôtel de merde. C'est un gros. Plus la rencontre avec les DJ, tout ça, du truc. Enfin, ça défonce. On vous file plein. Alors, vraiment, on a beaucoup de choses. Ah, ouais. Donc en plus les DJI Phantom 3 qui défoncent. Moi j'en ai un de Phantom 2. Et là il y a le Phantom 3. C'est celui qui est mieux en fait, finalement. Pour la sortie du film Transformers. Exactement. Il y a plein de cadeaux toute la semaine. Ça va, je viens de stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume. Ça va la journée tranquille. J'ai vu un truc qui m'a choqué à vie, franchement. Ah, c'est quoi? J'ai vu une dame se faire renverser. Non, c'est pas vrai. Vers nos bureaux l'après-midi, je te jure, c'est vrai. Ah bon? J'étais dehors au téléphone et j'ai. Elle a renversé fort. Ouais, franchement, il y a eu un impact de ouf. Elle a crié, je l'ai vu sauter. Je te jure, elle a fait un bond de ouf, elle a crié, c'était une mamie et elle s'est relevée heureusement. Mais franchement, voir ça de près comme ça, c'est impressionnant. Ah, ça doit abuser. Moi, je penserais direct que c'est un attentat. Maintenant, je suis tellement parano. Non, c'était un mec en. Avec tout ce qui se passe, quelqu'un qui fonce sur. Tu sais, j'aurais l'impression direct de me dire oh putain. Ah ouais. Et j'aurais peur. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça et franchement. Et tu l'as aidé? Non, franchement, j'étais un peu long au téléphone et heureusement, il y a des gens qui sont arrivés en courant direct. Ouais. Mais franchement. J'ai envoyé de mamie. Non, je m'en fous, j'y vais. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens. Oui, c'était 50 personnes dessus. Il y avait des gens qui ont couru. Donc franchement, c'est ça va. Et le mec, il s'est arrêté, ouais. Ouais, c'était un papy aussi. Ah merde. Il était pas bien. Ah bah oui. Bah normal. Et la dame, ça allait. Elle est repartie en. Non, ils ont appelé les pompiers après. Ah bon? Ouais, franchement, mais elle a hurlé et tout. Bon, on va en parler. Tiens, tu vois, on va se raconter un peu tout ce que vous voulez ce soir. C'est vous qui appelez, qui venez nous raconter ce que vous voulez. On va dire bonsoir à Hugo qui est là du puits Saint-Réparable. Non, c'est qui, papa? Qui, papa? Salut. Salut. Ça va ou quoi, tranquille, mon Hugo, 15 ans, c'est ça? Ouais, ça va. C'est ça? Ouais. On est en mode brevet dans 3 jours. Ouais. Ah là là. Attends, on va rester avec nous 30 secondes. On dit bonsoir à tout le monde là. Il y a Aude qui vient de s'installer derrière le standard. Ça va, Aude? Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va la journée, un truc particulier? Non, moi ce week-end j'ai vu un chat se faire écraser par contre. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est horrible. Vraiment. Ouais. Ah non, mais vraiment, ça m'a Est-ce fait que tu peine. Préfères voir une mamie se faire renverser mais se lever 2 minutes après? Ou un chat qui ne se fait pas, qui ne se relèvera plus? La question de merde. Ni l'un ni l'autre. Ah, c'est vrai, non mais voilà. La magie. C'est un sketch de Pierre Palma. salade horrible, tu sais, qui te. Ouais, les pires trucs. C'est à l'époque, là, tu préfères la pêche ou le choléra. Ah, c'est la même. Salut Jordan Apprenti qui fait le standard de soin. Salut, ça va? Ça va la journée, ouais. Très bien, très bien. Ça, malgré ta chemise, tout ça, tu vas bien. Malgré cette chemise, malgré cette chemise, elle a narcos. Le mec, il a osé. J'ai un narcotrafiquant colombien dans mon équipe. Il a un moustache, les cheveux en arrière, une tête de latino, une chemisette courte avec des palmiers. Franchement, il fait narcos. Avec les poils qui sortent. Sur le prochain casting. Ah, mais il n'y a pas de problème. Présente-toi. Il sera le méchant, tu sais. Ah ouais. Non, parce qu'il y a une tête de gentil, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Tu seras gentil méchant. Le gentil, tu sais pas trop s'il est méchant. Tu sais, dans le film où tu sais jamais. Il se cherche. Le dealer, le dealer fragile, exactement. Trop dégoûté. Ou alors le vendeur qui finalement sort avec un autre dealer. Ah, à la fin, quand même, ils sont en couple, les méchants. Trop dégoûté ce soir, je pourrais pas vous écouter. Je vous fais à tous de gros bisous. Salut Julie de Valenciennes. Bonsoir à mon petit frère Mathieu qui passe le brevet d'écoute, j'en suis sûr. Salut Thomas d'Annecy. Bah, bon courage. Salut Thomas. Ce matin, j'ai vu un enfant de 12 ans fumer. Pour moi, il a gâché sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, il fumait, c'est pas bien. Ouais, ouais, ça tue en plus. Ah, oui. Ouais, moi, je déteste les cigarettes. En plus, vraiment, j'ai horreur de ça. Mais bon, après, je respecte tout le monde. Hein. Ça coûte cher en plus. Hey, salut à tous les agents de sécu qui tournent au café pour tenir la nuit. Salut Johan. Et pareil, on vient de boire un café tous là-bas. Ouais. On est dans la même situation. Vous, ah ouais. Sécu, là. On est en forme là. Trop contente de vous entendre, vous remontez le moral. Bonsoir Amandine. Est-ce qu'un membre de ton équipe, Guillaume, pourrait me remplacer pour le brevet car j'ai pas envie d'y aller? Oh bah non, j'arrive. Je l'ai déjà. Big up Seb. Ah ouais. Et ce serait trop drôle, n'empêche. Putain, y aller pour rien, c'est relou. Hein. Franchement. On pourrait pas aller le passer. Bon, il y en a qui me dit tu les offres à quelle heure les drones? Alors, je vois les messages qui arrivent, les messages intéressés. Eh ben, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi? Je vous les file direct, les drones, je vous les file dans deux minutes. D'abord, Hugo, on va se raconter ce que toi, t'as le brevet pour la première fois. Hein. Tu t'as pas redoublé la troisième, toi? Non, non, j'ai pas redoublé. Donc, la première fois que tu passes le brevet, et c'est donc, ouais, dans trois jours. Et t'avais une petite question par rapport à ça, c'est ça? Ben, j'ai pas révisé. Je suis dans le caca. Ça va, t'as 3 jours. Bah non, tu viens du 13, hein, c'est ça, hein, on a senti, je suis dans le caca. Je suis dans le caca. Ouais. Mais t'es vraiment, c'est-à-dire, quand t'avais combien de moyenne déjà cette année? C'est ça qui est important, ouais. C'est-à-dire d'où tu pars? J'ai 11,50. Ouais, c'est à peu près. Mais c'est bien, ça va. Ouais, si, c'est pas mal. Bah, s'il continue comme ça, il aura. Ça dépend le bahut. Hein. Ouais, ouais. Il y a des bahuts privés où pour avoir 11, faut taffer quand même. Ouais, c'est ça. Ou tricher. Et il y a des bahuts 11, t'as l'impression que t'es même pas venu, t'as eu 11. Ouais, quoi. C'est ça. Ça dépend des points. Et c'est vrai, moi j'ai fait pas mal de différents collèges et tout, et ça dépend vraiment d'où t'es, quoi. Et donc, toi, Hugo, là t'as 11,5, mais c'est-à-dire que t'es pas du tout dedans, là, tu te sens pas concerné, non, genre. Non, pas du tout. Ouais. Tu fais quoi l'année prochaine? Tu vas en quoi? Je vais au lycée. Ouais, lycée général? Ouais, ouais. Ouais. Bah, il faut que t'aies le brevet alors. Bah oui. Ouais, sinon c'est mort. Tu l'as eu à combien de temps, Aude, notre nouvelle standardiste, le brevet, tu l'as eu quand? Je l'ai eu, bah, il y a 5 ans. Il y a 5 ans déjà? Ouais, bah. Attends, oui. T'as quel âge? Bah, j'ai 18 ans. Ah, bah non, il y a 3 ans là. 2012. Bah, non. Ah, si, t'as 15 ans quand tu le passes en. Non, moi j'avais 14 ans. Ah, oui, parce que t'as jamais redoublé, ouais. Aude, c'est la fille énervante qui a tout réussi. Mais non, parce que je suis née en fin d'année en fait. Tu sais, c'est la fille, à chaque fois, il y a un atelier, c'est toujours elle qui a réussi. Elle sait tout faire. Et personne comprend rien, et elle arrive, elle a déjà fini, toi t'as même pas commencé l'atelier. Elle la sourit, elle a dissèque, elle a cuit, elle a mangé. Non, c'était pas une bonne élève. Et t'as une goutte de sang sur la bouche. Non, mais attends, pas une goutte de sang sur la bouche. Alors, c'est quoi, t'es tout rouge là? Alors, toi, on dirait que t'es Dexter quand t'as les mains grasses. T'en as partout. Non. Salut, non, mais attends, c'est pas une honte d'être bonne élève. Bah, non, mais en plus, j'étais pas une bonne élève, vraiment. Ah, bah, mais c'est pas grave, au contraire. Et donc, alors attends, et donc tu t'es pas prête du tout pour le brevet, là t'es dans la merde, et c'est jeudi du coup là. C'est ouais, ça, c'est 26, jeudi. 27, 28, 29, c'est jeudi, vendredi. Ouais, fin de semaine en plus. Ouais, mais après, t'es en vacances. Ça va. Franchement, dis-toi, et tous les potos en troisième, là, ou tous les potos qui ont passé le bac, franchement, faut se serrer les dents et se dire, bon, allez, vas-y, juste après, c'est les vacances. Ouais, c'est quoi deux jours, hein. Pense à autre chose, tu vois, Hugo, pense à. À des meufs. Pense à La vie est belle. La vie est belle. Tu vas faire quoi après le brevet? Tu pars où en vacances? Je sais pas du tout. Ouais, c'est vrai, t'as rien de prévu? Non. En même temps, t'habites dans le 13, donc t'as besoin d'aller bien loin. À la plage, près de la mer. T'habites chez tes parents, chez les deux, ils sont encore ensemble? Ouais, ouais, ils sont encore ensemble. Voilà. Ils sont encore ensemble. Et t'en peux parler, vous allez rester à la maison? Comment? Vous allez rester à la maison? Non, je pense pas. Et tu sais pas où tu pars? T'as pas parlé à tes parents où tu pars? Il y en a plein, dans une semaine. Ah ouais, c'est vrai, bon, t'as un peu à l'arrache, quoi. Moi, j'avais pas révisé le brevet, je l'ai eu avec mention bien. Ouais, mais faut pas dire ça. Maf. Parce qu'il y a des mecs qui sont un petit peu plus faibles en niveau scolaire et ils vont se dire si mon cousin il l'a eu sans rien branler. Mais si t'as pas le talent. En fait, tout le monde peut pas dire le talent. Ah bah voilà. Faut avoir de la chance après. Exactement. Et franchement, faut mieux faire attention à pas trop y aller au talent. Flo Descalo, t'as eu le brevet? Ouais, je l'ai eu et j'avais 100 points de retard ou 60 points de retard. Ah, c'est loin. Ouais. Donc vraiment, je partais de loin et je l'ai eu quand même. Ah, c'est vrai? En travaillant un peu quand même ou pas? Non, en branlant rien du tout. C'est vrai? Franchement, j'ai rien branlé. Alors, Flo Descalo, ne l'écoute pas, Hugo. Tu vas faire ça là, s'il veut, pour le brevet. Si vous voulez balancer une dédicace ou un message, vous pouvez y aller, hein, les gars. Faut juste commencer le SMS par Guillaume. Au début du SMS pour qu'il arrive dans mon studio. Voilà, Guillaume, et ensuite votre texto, votre dédicace, votre message. On est en direct. C'est le dernier média qui est en direct en France, quand même. Faut se le dire. On est là. La télé, c'est en décalage maintenant. Toutes les chaînes de télé sont respectées un petit décalage, vite fait, bien fait. Moi, c'est le seul média où vous appelez, vous passez. Hein. Média national, c'est plus d'un million, et vous passez quand même tranquillement. Juste avec un petit coup de fil, je vous rappelle direct. Guillaume, au début du SMS, vous m'envoyez ça avec votre numéro de téléphone si vous voulez passer à l'antenne avec nous. Ou sinon, juste Guillaume au début, pour qu'il arrive dans mon studio avec votre dédicace. Juste un petit coucou, c'est marrant à faire. Et vous envoyez ça au 6-11-12. Guillaume au début, vous envoyez ça au 6-11-12, il arrivera dans mon studio là. Je voudrais faire une dédicace à mon bahut, le collège Michel Vigneault. Salut Michel Vigneault. Salut. Salut les mecs, c'est le brevet dans 3 jours, trop stressé. Ouais. Moi, je me détends avec vous. Salut Pierre. Ah bah oui. Ah bah on va se détendre avec Soprano après. Moi j'ai été au bac au talent cette année, j'ai rien réalisé, ne t'inquiète pas, ça va passer. Oula, c'est bah, tendu. Hein, ah, mais mec. En fait, moi j'ai envie de lui dire pareil et tout, de faire le mec trop cool. Mais en fait, en vrai, je sais que si je dis ça, il y a forcément un mec sur les 1 million qui va rater le brevet à cause de moi. Ouais. Et je vais me sentir coupable parce que voilà, en vrai, moi je veux dire, hein, j'étais stressé. J'étais pas un très bon élève tant que j'ai pas découvert ma passion, avant de découvrir ma passion de la radio et tout, j'étais pas trop bon élève. Mais franchement, 2 semaines avant, j'y allais sévère quand même. 2 semaines Ouais. Ah ouais, bah obligé. Franchement, moi j'avais pas un très bon niveau et tout. Si j'allais pas 2 semaines avant, j'étais mort. J'ai déjà, t'as le brevet? Je l'ai eu en 2001, j'ai révisé la veille. Ah, c'est vrai? Et le soir, parce que j'avais une mémoire de nuit en fait. C'est ma mère qui me l'avait dit en fait. Je révisais la nuit, et du coup, je m'endormais. Et le lendemain matin, ça allait, tu vois. Oui, il paraît. En parlant de mémoire et tout ça, demain, on a Fabien Olicard qui fait des vidéos sur internet. Ouais, qui est mentaliste et tout, mais il fait des expériences. On fera des expériences avec lui à la radio. Ouais, jouer. Vous tous, vous ferez des trucs chez vous. Et franchement, il nous a fait 2-3 trucs. Non, il est fort. Il t'a dit, faut des cadeaux, ce qu'il allait faire demain. Ouais, il m'a dit, il va lire dans c'est nos lui pensées. Qui l'a appelé, comme ça, on n'est pas au courant de ce qui va se passer. Si, ouais. Si, mais c'est des trucs de ouf. J'ai vu des interviews de lui où il les fait en direct. Et franchement, j'étais sur le cul, quoi. C'est vrai. Je sais pas comment il fait, je sais pas. Ah putain, le mec est bon quand même. Je sais pas. Il lit dans les pensées. Et le mec il a sorti un livre, en fait, il fait des vidéos sur YouTube pour ceux qui connaissent pas, c'est Fabien Olicard. Et en fait, on a bien invité des invités originaux comme ça. Pas forcément les non, plus connus. Non, mais ça va être cool. Et on va rigoler demain soir, du coup. Là. Bah ouais. Alors, on va se faire Soprano. Juste le temps de prendre tous vos textos. Est-ce que Hugo, toi, t'as pas révisé parce que je crois que tu passes toutes tes journées, c'est ça, tu disais à Aude, ouais. Là, au standard. Tu passes tes journées à quoi? Jouer à la télé. Ouais. Bah c'est mieux. Ouais. Hein. J'ai envie de dire le classique. Ouais, c'est ça. J'aurais pu finir ta phrase. Ouais, c'est ça. Tu joues à quoi, le toi? Le classico. Je joue à Overwatch. Ouais, Overwatch. Juste Overwatch? Non, à FIFA, Call of. Ouais. À tout, quoi. Ouais, t'as trop de jeux, en fait. C'est ça le problème. Après, ouais. T'aurais un jeu, au bout d'un moment, il te casse les couilles, tu fais chaud. Là, tu peux changer. En fait, en vrai, c'est tellement bien une PS4, putain, c'est tellement. Bah oui. En fait, c'est tellement. C'est un mot que je n'utilise jamais, mais que j'ai entendu utiliser par un mec dans la rue à côté de moi. Il était au téléphone, il dit putain, j'ai un métier qui est tellement chronophage. Ça veut dire que ça te prend du temps. Ça te bouffe. Chronophage. Et, exactement. Et en fait, c'est totalement vrai. Une PS4, c'est très chronophage. C'est-à-dire que ça te mange du temps. Ah ouais. Non, c'est clair. Dans ta semaine, si tu veux jouer un peu, allume ta PS4. Et franchement, moi, j'ai un problème avec la notion du temps quand je joue. C'est-à-dire que je me dis, allez, je joue encore un quart d'heure. Et tu regardes et t'as l'impression d'avoir joué 5 minutes. Ah ouais. Et en fait, t'as 45 minutes qui sont passées, quoi. Et je me retrouve à me coucher parfois à 6h30. Non. Et je dis, oh putain, merde, vas-y, je me lève à 10h et tout, et je coupe et je dors 3h30 à cause de ça, quoi. Ouais, donc j'imagine si j'avais un brevet ou un truc comme ça le lendemain, c'est vrai que c'est compliqué, flot des cadeaux. Il y a des jeux qui ont été obligés de mettre une horloge dans le jeu pour que les gens voient le temps passer. Ah oui. Parce que sinon, bah, tu peux rester des heures et des heures sans t'en rendre compte. Quel jeu? Bah, il y a WoW par exemple, il y a aussi Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard. Ah, ouais. C'est vrai? Ouais. Ils ont rajouté ça? Ouais, t'es obligé d'avoir une horloge pour voir le temps qui passe, quoi. Salut Guillaume, sérieux le mec qui étudie pas pour son brevet, je vous aime, bisous, salut Lou. Eh ben, par texto en Belgique, hein, ça marche aussi les textos. Guillaume et le message aussi 612. Allez, vous savez quoi? On va faire un jeu. Ça va être le jeu du juste prix. Dans un instant, j'ai un chiffre. Je vais prendre un chiffre, tiens, je l'ai même pas décidé. Au hasard. Je vais prendre une feuille. Florent Cadeau, est-ce que tu pourrais me passer un stylo? Ouais, je vais prendre plaisir. Un stylo. Je vais marquer. C'est vérifiable sur YouTube après, hein. Vraiment, je ne triche pas. Je vais marquer un chiffre sur ma feuille. Le premier qui va me le trouver par SMS, je lui offre, les mecs, je plaisante pas là, je vous file des DJI, les Phantom 3, les drones qui défoncent. Il y a Transformers qui sortent The Last Night là. Mercredi. On a négocié ça. Ils sortent mercredi avec Mark Wahlberg et tout. Et on vous file du coup des drones DJI Phantom 3. Franchement, les gars, c'est le meilleur drone qui existe. Bah, bonne chance. Hein. Mais même, il est mieux que les autres. Ah, bah oui, il n'y a pas meilleur. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai le 2. franchement, il défonce. Le 3, il déchire, il fait vraiment des images de malade et tout. Je vous les file dans 2 minutes. On se fait soprano cœur de niais. Et juste après, un drone qui va partir au premier qui trouvera le chiffre que j'ai marqué sur ma feuille. Juste après soprano. On va parler des passions qui ruinent votre vie. Guillaume et votre message au 612. Est-ce que vous avez une passion qui a niqué votre boulot? Qui a niqué, pour des raisons, ça peut être qui a niqué votre couple. Ouais, bah ouais. Qui a niqué votre boulot, qui a niqué votre couple, qui a niqué vos études. Votre, ouais. Je sais pas, à votre classe, même en primaire, vous avez une passion de la danse, ça vous a fait déménager les filles, j'en sais rien, tout le temps sur la route et tout. On parle de ça. Guillaume, et votre message avec votre numéro 612 et je vous appelle maintenant sur Énergie. Ok. Qui a vu le cœur donner, le monde a le cœur déchiré. Il aimerait tellement aimer. Le monde a le cœur divisé, même Cupidon n'a aucun effet. Toutes ces flèches ont échoué, car les hommes, car les hommes, car les hommes. Je vois dehors des cœurs en panne, des cœurs en or, devenir des cœurs de pierre, des cœurs de glace, des cœurs en flamme, des cœurs qui explosent. Monsieur le cœur donnier, oui je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant, tu recouds avec le sourire d'un passant, tu recolles avec la douceur d'une maman, tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donnier. Ok. De 22h à minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez sur Énergie, bonne soirée tout le monde. Merci d'être avec nous, bonne route à vous, bon courage, bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Si ça y est, c'est enfin terminé l'année et si les examens sont passés pour la plupart d'entre vous à parler. Il y a les troisièmes là qui passent encore, ouais. Jeudi, ouais. Vendredi, on est avec vous, on parlait justement du brevet avec Hugo qui est toujours là. Tu m'entends Hugo? Ok. Oui. Hugo, merci. Et, première fois que tu passes à la radio d'ailleurs Hugo? Ouais, la première fois. C'est ça, bah vas-y, dépuis l'âge alors. Toi, t'as deux passions dans la vie, c'est le samplon 98 et les étincelles. Non. Et c'est deux passions que tu vas pratiquer ensemble. Oh, les mélanges. Non, t'as pas de passion dans la vie, Hugo, toi, non? Si, si, il y a le vélo de descente. Oui. Le quad. Ah ouais, non mais moi je croyais que tu allais me dire, tu vois, par exemple, moi j'ai deux passions dans la vie, c'est les batailles d'eau et les prises électriques. Non. Et je peux pas, pas le faire en même temps parce que non, c'est un petit peu passions. Dangereux. Tu vois, il y a des trucs comme ça, tu peux pas. Mais avant, j'étais passionné. Pas hein. Mais non, mais quand j'étais petit, moi j'adorais les mamies et les gangbang. J'ai jamais pratiqué les gangbang. Non, mais c'est des passions très différentes. Hein. Ça peut se trouver. J'ai un stagiaire, il adore les gastro-entérites et chocolat fondu. Non. Après, je te laisse deviner pourquoi. Le chocolat, ouais, mais. Non, mais enfin, et merci d'appeler en tout cas, frérot. Ça fait super plaisir. On parlait des passions justement qui ruinent votre vie. Toi, t'as vraiment fait que jouer sur la PS4 là. T'as le brevet dans 3 jours, t'arrives pas à travailler toujours. Hein. C'est ça. Hein. Non, j'arrive pas. T'arrives pas à te lancer. Je me mets 10 minutes et je me fais assez bon. Tu sais quoi, le brevet, m'en bat les couilles. M'en bat les couilles. Ah, dans ce cas-là, ouais, c'est sûr. Il est énorme, ce gars. Ah ouais. T'es un bon, toi, mon gars. Et au final, le brevet, même pas ouvert, quoi. On va en parler. Oui. Guillaume et le message aussi, 11-12. Une passion qui ruine votre vie. Est-ce que c'est une passion qui a ruiné votre couple? Une passion qui a ruiné vos relations avec vos potos? Ah, ça arrive. Est-ce que c'est une passion qui vous éloignait vraiment socialement? Est-ce que c'est une passion qui vous a vraiment niqué la scolarité, niqué le boulot aussi, hein? Bah ouais, la vie. On va parler de tout ça. Vous m'envoyez bien Guillaume au début et votre message avec votre numéro au 611-12. J'envoie 30 secondes de pub. Il y a une pub pour Manu qui double les salaires le matin. Et juste après 30 secondes de pub, on se retrouve. Je vous offre un DJI Phantom 3, les énormes drones. On vous les file dans un juste prix en direct. Et ensuite, on va parler des passions qui ruinent votre vie. Vous êtes déjà très nombreux à appeler. Je vous prends tous à l'antenne. Et au 0800 70 42 48, c'est gratuit depuis un téléphone fixe. Vous pouvez nous appeler. Je vous reprends tout de suite sur Énergie. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Laura de Champs-sur-Marne. Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Ah, c'est Manu sur Énergie. Eh ben voilà. Laura, tu touches chaque mois 1 526 €. Je vais doubler ton salaire. Ça va faire 3 052 € pour toi. Super. Bah écoutez, merci à vous. Franchement, on vous écoute tous les matins. Je vous adore. Changez pas. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Oh, mais merci, mon chéri, merci. Oh non, ne me remercie pas, remercie free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Comme Spider-Man, il a des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas. Comme lui, il a des réflexes, des sensations que les autres n'ont pas. Comme Spider-Man, il sauve des vies. Il, c'est Sam. Et Sam, ça peut être toi. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouve Sam avec Spider-Man au cinéma et sur les réseaux sociaux. Énergie présente la tournée Fizz Experience Series avec au programme du skateboard, du BMI, du wakeboard et du roller. Fizz Experience Series, le sport extrême festival 100% gratuit. Il passera forcément près de chez vous. Reims, Anglette, Le Havre. Toutes les dates et infos sur Fizz.fr. Fizz Experience Series, un événement énergie. Hit Music Only. L'histoire secrète des Transformers. Pendant 1000 ans, nous l'avons cachée. Cet été, la légende Transformers dévoile enfin ses secrets. Pour que mon monde survive, le vôtre doit mourir. Transformers, The Last Night, avec Anthony Hopkins. Vous aimeriez savoir pourquoi il persiste à venir ici? Réponse mercredi au cinéma, avec Énergie. I've got no roots. on them. I've got no. Nous ici, on l'appelle Nénette. Nénette, arrête tes conneries okay. Tout de suite. C'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, bonne soirée les gars, on est en direct. Il est 22h25 sur Énergie. Bonne soirée les mecs. I get those goosebumps every time. I need the time. On va retrouver Corentin qui est là au standard. Salut Corentin. 15 ans de Rouilly-Saint-Loup. Lu. Vous salut. Allez bien. J'ai fait des tons ça. Ça ou quoi? Tranquille. Ça va, ça va frérot, ouais. Enchanté. Ouais, ouais. Hein. T'appelles de l'aube. Ouais. C'est ça, dans le 10. Vers 3. Ouais. Ah, vas-y, bienvenue. Hein. Exactement. Tu t'es mis dans les chiottes ou quoi pour nous appeler? Il y a de l'écho, j'ai vu. T'es où? T'es dans le hall? Ah merde. Ah, ouais. Non, fallait pas descendre jusqu'à la carte. Ah merde, on va le reprendre. Ça a coupé, c'est pas grave, on l'a rappelé direct. Il y a Bussy-le-Long aussi, Thibaut de Bussy-le-Long dans le 02. On a que des noms de. Alors le premier, quand même, Hugo, il appelait du Puy-Sainte-Réparade. Ensuite, on a eu Corentin de Rouilly-Saint-Loup. Ah, c'est vrai. Thibaut de Bussy-le-Long. Et pour calmer un peu tout ça, on a Mathieu de E, juste après. Ah, raccourci là. C'est plus simple là. Bonsoir Thibaut, 17 ans. De l'Aisne. Ça va frérot. Enchanté. Hein. Ça va et toi, tranquille? Tu fais quoi dans la vie, Thibaut? Ouais, tranquille. 17 ans, ça vend des armes. Oh. Mec, y a aucune notion de rien. Là, il dit oui, t'sais. T'as deux passions dans la vie, c'est la danse classique et le cannibalisme. T'as dit quoi? Guillaume, t'es mon idole. Ah, c'est qui parle? C'est Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Enchanté, Mathieu. Ça va, salut. Ça va, Mathieu, fan de Varese et les plus Japon. Salut toute l'équipe. Ça va bien. Ah bah vous allez bien, non, ça va Mathieu ou quoi? Bon bah c'était pas ton tour Mathieu, mais t'es le bienvenu frère. Hein. T'es là, c'est là et que t'es bien là, alors du coup on va ça le faire avec toi. Hein. Ah, ça y est. Je vous kiffe. Ah c'est gentil mec, merci. Tu viens d'appeler au 0800 toi, hein. T'es arrivé pas par SMS mais par... c'est ça hein. Ouais bah ouais, mais en fait quand j'appelle je tombe directement sur le standard, donc j'arrive pas à passer directement, en fait c'est pas toi qui décroche en fait. Bah non, c'est JM du standard, c'est pour ça qu'il est là. Ouais. parce que moi j'avais déjà appelé au moins 2 jours et à chaque fois on me disait qu'il fallait un sujet pour te parler, donc du coup j'ai pas pu te parler directement. Parce qu'en fait si on faisait que des gens qui n'ont rien à dire, ah ouais. L'émission ah ouais. Tu vas voir en quelques secondes elle va changer de rythme. Alors moi ça me je vais te dire, moi je peux passer la soirée à parler de rien, ah ouais. C'est ce que je fais tous les jours. Déjà, ouais, mais en vrai, déjà qu'elle est bizarre qu'on a un sujet, alors si on fait l'émission sans sujet mon frérot on va dire la merde hein. Je sais bien, mais de toute façon, moi, tu sais, Guillaume. Ouais. Parce que moi, je vous ai ajouté, je t'ai ajouté sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, tout ça. Ouais. Et du coup, merci. En fait, dit que j'envoie tout le temps des messages sur Facebook, Twitter, tout ça. Mais vous répondez quasiment presque jamais, quoi, en fait. Hein. Alors, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, ça, c'est pas vrai. Alors là, vraiment, tu m'as écrit où? Tu m'as écrit où? Ah, sur Twitter, Facebook. Non, alors là, je vais te dire un truc. Snapchat. Passe... Non, bah oui, alors sur Snapchat, mon compte, c'est parce que je t'ai pas en ami, donc je peux pas avoir tes messages de 1. Non, mais je vais tous te les désinguer, tes arguments. Alors attends, on va non, parce que j'ai un taux de réponse. Vous êtes 2 millions sur ma page Facebook. Ouais, franchement. Ah oui, je me doute. Non, mais attends, alors là, ça y est, tu m'as mis. Ah ouais, ça y est. Non, parce que tu fais passer pour un connard. Alors, non, mais en plus, je vous le dis à la radio, et Mathieu, je suis pas content parce que je réponds. Ah ouais. Alors, ils peuvent le dire, ceux de l'équipe. On est témoins. Non, mais il n'y a pas un message qui n'a pas de réponse. C'est vrai. Ah bah ouais, non mais moi j'ai envoyé un message, je sais pas si... Non mais sur moi, c'est pas la bonne page, ouais, mais attendez, je tiens à préciser quand même. que j'ai à peu près 3000 mails par jour de gens qui sont amis avec moi sur Facebook sur un faux compte. Bah tu vois. Ouais. Alors moi c'est déjà. Ah oui, alors en parlant de ça, j'ai un. Il a non mais déjà, là, attends deux minutes, Mathieu. Si c'est pas la page officielle, ouais. Déjà, c'est normal que je vous réponde pas. C'est les mecs en Afrique qui font des arnaques. Ouais. Parce qu'on le sait, ça a été localisé en Côte d'Ivoire. Et, en fait, ils vendent, ils font genre, ils donnent des portables en échange d'un code sur le 0800. Moi, je donne jamais de cadeaux. On n'est pas d'arty, hein, les gars. Donc, je donne des cadeaux qu'à l'antenne. En parlant de ça, j'ai un compte de Guillaume, en fait, avec des photos. En fait, j'ai deux comptes de Guillaume sur Facebook, par contre. Ouais. Je sais pas s'il y en a un qui le tient ou pas. Parce que c'est pas compliqué, le mien il est certifié. C'est-à-dire qu'il y a une petite, petite virgule bleue à côté de. Bah de alors Guillaume en fait, il y en a un qui. Au fait, je voulais te parler aussi ça. Mais là, j'ai un truc, c'est marqué Guillaume Play avec un truc en bleu. Voilà. Ça, c'est moi. Et ça, tu m'as pas envoyé de message en privé. Si. D'accord, t'as envoyé quoi? Attends, normalement. Bah voilà, j'en ai envoyé 1, 2, 3 messages. Alors vas-y, y a pas de problème, dis-moi quand. Alors là, vas-y. Vraiment, y a pas de problème. Non, mais là, on le fait en direct. Si jamais j'avais un truc à me reprocher, je t'aurais pas pris en direct. Hein, j'ai dit, bonjour à toute l'équipe de Guillaume. Oui. Merci pour tout ce que vous faites à la radio. Je vous adore énormément. C'est vrai. J'aimerais trop passer à la radio, pardon. Oui. Mais je peux pas car j'ai un forfait bloqué. Voilà. Bon courage. T'as les mères pour parler? Attends, deux secondes, Mathieu. Attends, Mathieu. Et donc, vas-y, finis. Et après, j'ai marqué pourquoi tu lis pas les SMS que j'envoie à ton. Enfin, voilà, j'ai marqué pourquoi tu n'envoies pas les SMS. Tu t'es plein. Non, mais je comprends. Ouais. Alors voilà. Déjà, il y a un truc qui est basique, c'est que parce 90% que des mecs qui m'écrivent des mails un peu insultants en me disant putain, tu réponds pas au message, ils l'ont mal envoyé. Pas insulté, ouais. J'ai compris. Ils l'ont mal envoyé. Vous marquez pas Guillaume au début. Et quand vous marquez pas Guillaume. Avant, je te voyais pas en vert, et là, je te vois en vert. Non, mais attends, je vais te dire un truc, frérot. Tu peux pas me voir connecté puisque c'est une page. Donc, déjà, c'est-à-dire que t'es pas sur le bon compte, mon ami. Donc, je vais te repasser. Non, mais c'est. Je sens beaucoup parce que. Mais non, tu. Là, j'ai marqué un autre message. Tu lis jamais les messages sur Facebook, alors pourquoi j'ai appelé plusieurs fois, ajoute aujourd'hui, il a refusé de que je passe à l'antenne. Quoi. Ah oui, mais en fait, JM du Standard, s'il prend tous les appels qui veulent juste faire une bise, au bout d'un moment, tu écouterais plus l'émission non plus. Il y a des bises à raconter. Mais tu fais quoi dans la vie, Mathieu? J'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie un peu. Parlons-toi. Pour l'instant, désolé, mais je travaille pas encore. Ah, donc, pourquoi encore? T'as un truc de prévu? Qu'est-ce que t'as fait comme étude? Non, c'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit à ton... À JM du Standard. Personne, du Standard, je suis un petit peu handicapé, donc du coup, je peux pas trop travailler. D'accord. Je suis à 50% d'handicap, donc c'est juste pour de vous le dire. Ah. Mais c'est vrai que là, j'avais envoyé 3 messages, je sais pas si tu les as lus. Non, mais en fait... Non mais parlons de toi, on va pas parler des messages que tu as envoyé il y a 15 jours, qui est un peu de réponse parce que c'est pas le bon compte, frérot. Je t'expliquais en antenne, mais je te jure, t'es en train de te planter. Tu vas passer pour un con alors qu'en plus je réponds à tous les messages. Sur Snap, il y a 90% de chances que tu m'as pas écrit parce que j'ai 15 amis et donc je peux pas voir les messages que je reçois. D'accord. Sur Twitter, je suis pareil. C'est pas normal. Bah alors vas-y, hein. Tu veux qu'on parle de toi? C'est qui a parlé? C'est Thibaut là, ouais, c'est ça? Pas lui. Ouais. Alors vas-y, explique-nous Thibaut déjà. Pourquoi t'appelles? On va commencer par toi, t'es arrivé en premier. Une passion qui ruine votre vie, on va reprendre le cours. Ouais, et après Mathieu, tu vas nous raconter si t'as une petite passion aussi. On va savoir. T'es passionné par quoi Mathieu, tiens d'ailleurs? Alors bah moi chez ma marraine Michel Bocquillon et je faisais du judo, je faisais plein de choses comme ça. C'est super, ça. Du sport. Ouais, bah c'est très bien, du sport. T'aimes le sport, t'aimes les JO, on va te prendre comme ambassadeur. Ah ouais. Attends, même Macron, il a fait du tennis là. Ouais, j'ai vu ça. Ah, et de la boxe. Badminton. Il s'est battu. Ouais, t'as deux passions dans la vie, c'est les chevaux et le. Attends là. T'as deux passions dans les chevaux, c'est. Non, attends, qu'est-ce que je peux faire? Les chevaux. T'as deux passions dans la vie. Tiens, et vous savez quoi? Attendez, avant que je vous file des drones, là, pendant 30 secondes, les frérots, vous m'envoyez un texto et je vais lire tous vos messages, toutes vos vannes. Vous avez deux passions dans la vie. Parce qu'en fait, c'est quoi? Attends, deux secondes. Attends. Guillaume un espace et vous m'envoyez un truc marrant. Guillaume un espace et deux passions dans la vie. Ouais. Par exemple, là, il y en a qui me dit salut Guillaume, voilà, moi dans ma vie j'ai deux passions, c'est le Moyen-Âge et les nouvelles technologies. Deux trucs qui ont pas de temps ensemble. Allez-y, Guillaume et votre message. message. Moi j'ai les Glorioles et l'école primaire. Merci beaucoup. Oh, ça non, voilà, mon ami. Ça dérape. Ça y est. C'est trop un c'est pas, c'est mon con. J'ai fait du hand pendant 6 ans et la dernière année je me suis luxé l'épaule. Salut à toi. Aïe. On s'en fout. Bussy le long, c'est tout à côté de chez moi. Bonsoir à toi. J'ai fait du hand pendant 6 ans et la dernière année je me suis luxé. On peut vous contacter par SMS. Bonsoir à toi. Mais ce sont ceux qui appellent qui sont pris. Alors c'est pas vrai du tout. Quand vous me laissez votre numéro par SMS, Aude vous rappelle. Même, même Jordan Lapronti est au standard ce soir. Toujours. Ils sont en direct là, ils appellent. Hein. Moi je me suis, ça m'a pas ruiné la vie. J'ai fait du flyboard avec Vincent Lagaffe, c'était super sympa et on devient vite addict. Ah, Lagaffe, toi là. Drôle. J'ai deux passions dans la vie, le cheval et les chibres. Alors je peux pas tout lire. Oh, il y a la moitié que je peux lire. Ah non mais là ça y est. Ah non mais là, gars, mais regarde le 2-3-0. Ouais, ouais, vous êtes le 2-3-1. Le 2-3-1. Non, voilà, ça part dans le goût des religions. Là, on est dans la merde là. Moi j'ai deux passions dans la vie, c'est sexe et les familles. Le sexe et la famille. C'est une mauvaise idée. Guillaume, un espace, c'est vos deux passions réunies. Moi, mes deux passions sont les armes et le tennis. Bonsoir à toi. C'est bien, ouais. Moi, c'est le deux passions, c'est les cheveux et le cul du jeune stagiaire. Arrête, c'est ça, arrête, c'est méchant. Faut mettre deux trucs marrants, les gars, quand vous dites le foot et le tennis, ça marche pas. Hein. Moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est l'anus et le goût de ceinture. Bonsoir à toi. Moi, j'ai. Alors, attends, il y a que du truc sale, alors, je vous le dis. En fait, c'est illisible, là, bon, mais. C'était une mauvaise idée. Dans ma vie, j'ai deux passions, le travail et le cul de ma patronne. Merci. bonsoir et toi, je déconne bien sûr pour mon travail, salut. Moi je suis passionné par Mimimati et les échafaudages. Putain les gars, c'est des bâtards. Non, ça se fait pas ça. Non, je cautionne pas ça. Moi mes deux passions. Non, attends, mais je vous dis, et encore. Hein, tu peux pas les lire, c'est impossible. J'ai deux passions, le curling et les concerts de Sim. N'importe, c'est quoi le rapport. Concert de Sim. J'ai deux passions, c'est cueillir des fleurs dans les champs et la guerre. C'est les mecs qui accueillent. Il y a deux trucs complètement différents. Voilà, c'est ça exactement là. Je kiffe faire du skate, de la natation, dédicace au collège Sainte-Clotilde à mon pote Miko. Moi j'adore. Salut Guillaume, est-ce que tu vas nous parler de ton tatouage? Ah ouais, je me suis fait tatouer ce week-end. Ouais. C'est vrai. Je me suis fait tatouer complètement explosé en fin de soirée. C'est vrai, batterie. C'est une question de modération. Hein. Évidemment. L'alcool et les tatouages, les deux. mais moi j'ai deux passions, c'est Jackie et Michel. Moi j'ai deux passions dans la vie, c'est tuer des gens et garder des enfants. Ah ouais, alors c'est drôle ça. Qui fait peur là. Un beau CV. C'est drôle, c'est drôle les passions complètement. Moi j'ai deux passions, c'est secourisme et tuer des gens, ouais, c'est ça. Moi je fais du foot depuis 6 ans, j'aimerais bien en parler, y a pas de problème, on parle de tout ce que vous voulez. Moi j'ai deux passions dans la vie, c'est la branlette et ta nouvelle stagiaire. Non, gars, non. Respectez Aude. Non. Respectez-la, excuse-moi Aude. Oui. Ne mets pas ton. Attends, moi c'est les nichons et le chichon, merci à toi. C'est interdit, hein, je veux te dire. À chaque fois que je parle d'un truc, le CSA est très très chaud là. Moi c'est la maçonnerie et baiser sur les doigts, merci. Bon, les gars, arrêtez là parce que je peux plus lire. Allez, je vous file des drones dans 10 secondes. Parce que là, il y a trop de trucs sales. Ça s'arrêtera jamais. C'est insupportable, là, les gars. Moi j'ai deux passions, c'est Big Flo et Oli. Ah bon, les embrasse. Ah ouais, bisous. Ils écoutent l'émission et m'envoient un message il y a 30 secondes. Ah bon? Il m'a dit, est-ce que t'as écouté l'album et tout ça? Et je lui dis oui. Alors attends. Ils ont sorti leur nouvel album Big Flo et Oli. Il y a 2-3 trucs qui sont pas mal. Il y a papa qui est marrant. Ils ont fait avec leur père le morceau. Mon père, c'est mon boss, mon roi, mon héros. Moi, je suis son gosse, son minot, son hero. Quoi? Il tourne tous mes problèmes en dérision. Je suis une des raisons pour laquelle il peut finir en prison. Quoi qu'il arrive, il accomplit sa mission. La berceuse du soir et les bisous qui piquent devant la télévision. Le sport devient une religion. La sueur des joueurs de foot devient de l'eau bénite. Si ton père n'est pas là, tu sais, ne sois pas triste. Tu évites les engueulades pour le bouchon du dentifrice. Et en fait, il y a leur daron qui est dessus. C'est marrant. Le vrai daron. Ouais, ils chantent. Ouais. Ils sont latinos. Ah ouais, argentins. Quando miro al espejo. C'est leur père. Mais c'est un chanteur en fait. Oui, c'est un chanteur. Ah ouais, parce que normal. Mon père, je fais pas un son avec ton daron. C'est pas chanteur. Ah, mon daron, il chante pas comme ça. Apprendi que la vida. La mauvaise idée, tu sais. Ouais. Non mais j'ai deux passions. Les mecs, vous êtes trop forts, putain. Sortez-moi des trucs drôles, pas des trucs que je peux pas passer. Moi j'ai deux passions, c'est le rondin de bois et le cul du jeune stagiaire. Oh, c'est quoi le rapport? Rien. Moi j'adore Jean-Luc Lahaye, l'école matin. Oh, non. C'est cool. Moi j'aime l'OM, c'est la base. Salut. Moi j'adore les, dans la vie, c'est le badminton et les grenades artisanales. très drôle. Moi j'aime la bip et les. Salut Patrice. Non mais les gars, vous sortez que des trucs sur la religion. Putain, vous savez bien que je peux pas faire ça. Attends, le 370. Non mais alors là, vraiment, là je vais en prison. Les gars, il y a des messages, franchement, vous avez. Oh non. Non mais c'est clair. Non, tu peux des pas. Putain, non, ça se fait pas. Non, vraiment, moi je suis un gentil gars, je peux pas faire ça. Alors attends, Thibaut, 17 ans, Bussy Lelon. Toi t'es en quelle classe, tu m'as dit, Thibaut? Moi je suis en recherche d'apprentissage. D'accord, recherche dans quel domaine? Restauration, boucherie. D'accord. Un peu de tout. Dans la bouche. Ok, vas-y, dédicace. Il y en a qui dit, moi j'ai deux passions, c'est les Milf et l'Elysée, c'est les Macron. Ah, allez, oh, allez. Non, après, c'est pas ça. Non, arrêtez, arrêtez, putain, je peux pas le président. Ça. T'as dit quoi comme apprentissage, pardon, mon Thibaut? Boucherie, restauration, un peu de tout. Vas-y, bah salut à tous les boucheries, à tous les mecs dans les métiers de bouche en général, d'ailleurs. Dans la viande, ouais. Et non, les métiers de bouche, c'est les restaurants, c'est tout. Hein. Ah, je crois que c'est que la viande. T'as dit quoi, Thibaut? On coupe le cul, Julien. Mon cul, c'est pas de la viande. Hein. C'est pas découpé qu'il aime se faire. Rien du tout, il aime se faire. Ça se situe dans cette zone-là, mais c'est. Il aime faire, mais pas, non. Alors, Thibaut, qu'est-ce qui t'arrive? On parlait des passions qui ruinaient votre vie. Alors, en fait, moi, j'étais passionné par le foot de base. Ouais. Après, j'ai commencé à faire des paris en sport. Au début, c'était 5 euros, 10 euros. Après, ça monte à 100 euros par jour. Par jour? C'est énorme. C'est énorme, ouais. Par jour? Oh, ouais, ouais. Mais tu sors d'où, excuse-moi, mais tu sors d'où, l'oseille? Parce que même moi, si je voulais mettre 100 euros par jour, je pourrais pas, quoi. Bah ouais. Bah, un peu de bloc, un peu de tout. Un peu de blague. Attends, je sors de l'oseille comme ça. Bah ouais. Cette émission, les gars. Je sais même pas comment elle est encore en direct. On est en France en 2017, sur la grosse radio du pays. Et il y a les mecs qui appellent. Bon, je sors un peu de blague. Voilà. Je suis dans les soirées chichon, je sors un peu de blague. Mec, au calme. J'ai l'impression d'écouter la radio des années 80 parfois. Tu sais, il y a aucun filtre. Les mecs, ils fument en direct. Il y a du vin. Ça fait chin-chin. Ah ouais, on devrait faire ça. Tu sais, elle est pas. Ah bah non, c'est interdit. Bah, je sais bien. Ils sont interdits. Et donc, alors, Thibaut, donc, du black dans quel domaine tu fais? Explique un peu. Comment ça? Tu fais du black où ça? Un peu de tout, du maçonnerie, un peu de tout. Ah tu fais des... C'est bien, tu te bouges le cul. Tu fais des murs, genre. On a pas le choix. Bah non, mais t'as raison, poteau, là. T'as bien raison, surtout si t'as pas d'argent. Bah, c'est la crise, un peu. Ouais. Tes parents, ils font quoi dans la vie, là, Thibaut? Chômage, je crois. Ouais. Tu crois? Faudrait peut-être te renseigner. Ah ouais. Faudrait peut-être rentrer chez toi, c'est pas si mal. Ça, j'avais mis. Ah, je vais te niquer, je croyais que tu voulais t'entendre. Alors, et donc Thibaut, donc passion qui ruine ta vie, les paris sportifs, ça montait jusqu'à combien au maximum? Tu disais 100 euros? Ouais, et puis des fois par mois ça revenait à quasi 1500. Non, c'est vrai? Ah, là, c'est bah, faut que tu gagnes là. Ouais. Parce que... Non, mais là tu dis, il faut bien travailler pour vivre, mais en fait finalement tout ton oseille tu le foutes dans les paris sportifs. Bah, tu fous un salaire, ouais. Bah, ouais, c'est risqué après. Au début je gagnais, j'ai déjà gagné 7000 euros maximum. Ah, ouais. Et j'ai tort dépensé le même mois. Ah ouais? Mais tu t'es acheté quoi, genre des loup-boutins pour faire? Comment t'as dépensé 7000 balles? Bah, dans les paris sportifs. C'est... Ah oui, t'as remis tout remis dedans. Ouais. Ah, tu réinvestis, ah, en fait. Ah ouais, putain, mais alors. Après, j'ai envie de te dire 7000 balles dans les paris sportifs, t'aurais pu gagner après encore beaucoup plus. Bah oui. Et pourquoi tu te fais pas conseiller par des mecs qui s'y connaissent un petit peu? Carmenez. Un petit peu en foot. Non, mais c'est vrai. En vrai, par exemple, j'ai un stagiaire, je sais qu'il s'y connaît un petit peu en foot. Ouais, mais genre, quand le PSG, ils ont perdu 5-1. Contre le Barça. Attends, j'avais plus le. Et franchement, le mec, il parie 6-1, là. Il met genre 100 euros sur le 6-1. Tu crois qu'il y a des mecs qui parient 6-1? Bah, je pense, ouais. Il y en a quand des gros joueurs qui ont 1000 euros à dépenser, et tu vois. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe alors quand tu te retrouves avec 6 à 1 et t'as parié? Bah là, tu gagnes beaucoup, je pense, c'est sûr. Mais c'est-à-dire. Bah, je connais pas la cote. Hein. Si tu mets 1 euro, tu gagnes combien? Ah, je sais pas, là, genre au moins 100. 100 000 euros, je sais pas. Ah ouais? 100 ou 1000, je sais pas. Non. Bah si. Mais non, Jordan Apprenti, t'as déjà fait du pari sportif? Ouais, beaucoup avant, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Sur Betclic, tout ça là? Ouais, non, en bureau tabac. Et alors? Et ben non, il y a moyen de gagner gros, mais pas 100 000 euros. Mais quand tu mets 6 à 1. Non, mais je t'ai dit pour 1 euro mis. Mais non, pour 1 euro, je pense que tu peux taper du 500 euros, mais c'est pour déjà énorme. Mais c'est énorme. Mais non, pas pour un euro. Mais la cote, elle est vachement haute, du coup. Oui, mais c'est improbable. Non, ça dépend de la cote. Bah oui. Oui. Mais je pense que tu peux pas gagner. Flo des cadeaux. Il y a un Marseillais sur le match, justement, du PSG-Barça. Il a misé 200 euros, il a gagné 9002. Putain, ah, tu vois. Mais excuse-moi, hein. Faut être abruti pour aller foutre 200 balles sur un 6 à 1, parce que là, il y avait une chance sur 1000. Ça arrivera plus jamais. Tu sais, c'est les mecs au casino qui n'ont aucune notion qui arrivent à côté de toi, ils mettent 1000 balles, ils mettent ton salaire, les mecs, sur une roulette. Faut être inconscient, en fait. Et tu dis, putain, mais les mecs, sur le 3, sur un 6. T'as une chance sur 26 de gagner. Tu dis, putain, le mec, il compte. Mais le mec, il a eu raison, là. Non, mais il a eu raison, mais je veux dire, en vrai, faut être complètement déconnecté de la réalité pour aller foutre 200 euros sur un match de foot. Excuse-moi, tu te rends compte, 200 euros. C'est pas humain, c'est quasiment une semaine de travail de semi, c'est énorme, quoi. Le risque, t'imagines. 200 boules, tu vois, être là-dedans. J'ai un stagiaire, t'as déjà mis 0. Ouais, j'ai gagné 300 euros moi. Pourquoi? J'avais misé 20 ou 30 euros. Ah, quand même. J'avais pris des risques et ça avait marché. Et puis au casino, j'avais gagné aussi 200 euros. Mais c'était un truc facile, genre Non, j'ai pris des risques, mais on était plusieurs à jouer. Mais au casino, j'avais joué tout seul par contre. Ah oui, d'accord. Je suis un grand joueur au casino, on va dire. Et j'aime bien jouer et j'ai gagné 200 euros à peu près. Ouais. Moi, j'ai deux passions, c'est Brigitte et le pouvoir, merci beaucoup. Moi, j'ai deux passions, c'est la musique et la photo. Salut Luc, non-voyant de Bar-le-Duc. Salut. Salut. Je vous écoute tous les soirs, malgré que je commence à 5h du matin. Salut mon con. Bon courage. Salut Luc, hein, le non-voyant de Bar-le-Duc qui nous écrit régulièrement. Là. Est-ce que tu fais des vraies photos, Luc? Bah, je pense. Attends, mais s'il faut, il y a des vrais aveugles photographes. Hein. Mm. Tu sais, il n'y a pas des appareils photo genre en braille. Ouais, non, c'est pas possible. Il y a peut-être des peintres aussi. Après, ils voient pour la personne. Bien sûr, attends. Photographe aveugle. On avait déjà eu, nous, un voyant aveugle. Un voyant non-voyant. Il était voyant, son métier c'était voyant, mais il était aveugle. Ouais, c'était, t'en fous, comment il s'appelait déjà? Ah, je sais plus. Comment il s'appelait le voyant non-voyant? Bah, c'est son nom déjà, c'est son blaze. Le voyant non-voyant. Putain, c'était énorme. Je crois que c'était le nom de son site. Moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est sage-femme et ventriloque. Salut à toi. Moi, j'ai deux passions. Ah, parce qu'il met la main dedans, j'ai compris. Dégueulasse. Moi, j'ai deux passions, la face de mon camion et le cul de ma femme. Salut, Dof Dof. Ah, sympa. Thibaut, il doit être escort boy, il ment. Je possède deux passions, c'est l'alcool et les drifts sur la voie. Ah non, putain, vous êtes cons, les gars. Moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est le boule de nouvelle stagiaire et chaussée au moins. Non, arrêtez, c'est pas drôle. Dédicace à Matt et à la ville de Strasbourg, 67 représente. Bonsoir à toi. Salut. Alors, Thibaut, passion qui ruine ta vie, 1000 euros. Et là, aujourd'hui, t'as des dettes, comment ça se passe? Non, j'ai arrêté, j'ai tout remboursé. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ah, t'es clean? Ouais, là. C'est ouais. Bien. Et t'as arrêté de jouer ou pas? Ouais, ça fait 2 mois. Ah ouais, putain. Une passion qui ruine ta vie, tiens, Aude, la nouvelle standardise. Est-ce que t'as déjà eu, pareil, une passion qui a ruiné un peu ta vie à une époque? Avant, je voulais beaucoup un jeu en ligne, ça s'appelait Blabla Land. C'est un jeu MMORPG, ça s'appelle. Ouais, ouais. Putain, alors. J'ai rien compris. Elle m'a saoulé en un. À peu près, à peu près. C'est un MMORPG. Ouais, MMORPG. Mais c'est ça, non, mais la raison. Ça veut dire quoi, un MMORPG, pour ceux qui connaissent pas? C'est un jeu de chat en ligne, en 2D, en fait, où tu parles avec des personnes. Non, c'est pas ça. Flonicano. C'est même pas. Non, c'est un jeu massivement multijoueur où tu peux monter ton personnage en fait. Ah mais si, bah voilà, ouais. Si. Oui, c'est un jeu en ligne. Alors là, je n'ai pas du tout donné ça. Mais alors, mais c'est si, un chant, Guillaume. Et donc, tu as joué beaucoup. Et moi, je jouais beaucoup à ça en fait. Et on pouvait appeler pour avoir des codes et avoir des crédits sur le jeu. Et ça m'a coûté une blinde quand j'avais 12 ans à peu près. Ouais. Et je défonçais mon crédit dans ce jeu. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais des factures, mais hallucinantes. Ah, c'est vrai? Ah, ouais, vraiment. Attends, mais les jeux, ça rend fou. Ah, oui, ah, oui, le jeu rend taré. Rien. On est d'accord. Et ça a duré vachement longtemps. Moi, j'ai un jeu en ce moment, je vous dis, je n'arrive pas à m'arrêter de jouer à ce jeu. Ça s'appelle Critical OPS. Et j'y joue toujours. Mais là, tu payes pas. Mais c'est gratuit. Mais c'est un jeu, c'est comme Call of sur le téléphone. Et en fait, c'est gratuit. Comme jeu, et en fait j'y passe vraiment, même quand je suis crevé, j'ai besoin de jouer une demi-heure, sinon je suis pas bien quoi. Ouais, ça te détend en fait. Et c'est non-stop quoi, voilà. C'est un échappatoire. Mais c'est un échappatoire. Aux toilettes ou quoi, c'est bien. Mais non, parce que moi j'y joue pas aux toilettes, j'y joue une demi-heure. Oui, je mets sur mon canapé et je bourrine. Et en plus, en fait, le fait d'être bon, moi je suis pas mauvais à ce jeu. C'est hyper jouissif d'arriver sur une map et de. Tu casses des gueules. Sur FIFA, je suis grosse qui, je vais pas se mentir, Thibaut. Tiens, est-ce que Jordan l'apprenti, toi t'as pareil, t'as une passion qui t'a un peu ruiné la vie, genre à une époque? Ouais, à peu près quand j'étais en 6ème, pareil, je jouais beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je passais des nuits blanches, j'étais sur un MMORPG aussi, ça s'appelait Dofus. Ah oui, bah Dofus, il est connu, hyper connu. Enfin, je passais ma vie dessus, j'avais 8 persos, toutes les races, tous les trucs. Enfin bref, j'étais un tueur sur le jeu par contre. Ah, c'est vrai? Ouais. Et ça t'a fait redoubler tout ça? Non, ça va, parce que je bossais quand même quand il fallait, mais je bossais genre. Enfin, j'avais des facilités, donc je bossais 5 minutes avant le début du cours et j'avais compris quoi. Donc c'est une chance. Moi j'ai deux passions dans la vie, hein, qui disent c'est les One Direction et la guerre. Merci beaucoup. Salut les gars là. Alors, vous savez quoi? On va faire un juste prix, 30 secondes. J'ai les drones, les DJI Phantom 3 à vous filer. Il y a The Last Night, là, le Transformers The Last Night qui sort avec Mark Wahlberg mercredi. Le 5. Et je vous file des drones DJI Phantom 3. J'ai marqué sur ma feuille un chiffre. Voilà, Flo Décalo, tu peux le noter. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Jordan Lapointier, Aude le voit. Ouais. Il n'y a pas de triche, nous faisons tout en direct, je viens de l'écrire à l'instant. Vous envoyez Guillaume un espace et le chiffre que je veux avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Ce jeu va durer environ 30 secondes. Il faut savoir qu'en moyenne, j'ai 40 à 50 SMS qui arrivent sur un jeu, lors des gros jeux comme ça. Donc c'est-à-dire que si vous êtes plus rapide, il y a une vraie chance de gagner, contrairement au pari sportif ou au loto. Ah bah oui. J'ai une vraie chance, grosse chance quoi. Je vais d'abord commencer par les trois au standard par principe. Charles, Thibaut et Mathieu qui viennent d'appeler. Je vais leur donner une chance. Charles, donne-moi un chiffre que tu veux. Salut Guillaume. Salut mon poteau. Salut. Ouais, je vais te dire le 28. Toi, t'es de Bordeaux, Charles. Exactement, c'est ça. Tu fais quoi dans la vie, Charles? Donc, je suis ancien militaire. Donc là, je suis en reconversion actuellement. D'accord, ok. Et t'es passionné par les armes à feu, tu veux nous en parler? Ah, militaire. Bah oui. Exactement. C'est ça. Et t'es de Bordeaux alors? Tout à fait. Eh ben, enchanté alors, Charles. Enchanté. Ça fait plaisir. Alors, donne-moi un chiffre si tu veux bien, que tu veux. Donc, allez, le 28. C'est très bien. De 0 à 100? Ouais, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ah, il n'y a pas de limite. Bon, comme diraient les poufs sur Instagram, the sky is the limit. Non, okay. Non, je rigole, je vous ai pas traité de pouf si c'est non, je rigole. Non, mais c'est pour c'est rigoler. Pour rire. Mais t'as toujours une meuf qui regarde vers la suite. Ah ouais. Sky is the limit. Alors, tu dis combien, Charles? 28. Eh ben, c'est plus que 28. Ouais. Thibaut, tu dirais combien? 453. C'est moins que 453. Vous me trouvez le chiffre, je vous offre un drone. Hein. C'est énorme en plus. Mathieu? 350. C'est moins que 350 et c'est plus que 28. On cherche un chiffre entre 28 et 350. Bonne chance. Vous envoyez Guillaume et le chiffre. Non mais les gars, en 20 secondes c'est terminé. Bah, ouais. Guillaume et le mot. Je vous offre un DJI Phantom 3. Dofus, j'ai un putain de perso 200 et j'ai dû claquer plus de 200 balles avec le téléphone fixe de la maison. Salut les gars. Ouais, moi si je joue à Critical Ops, je t'ai accepté. Je t'ai demandé sur le jeu. Salut Nonodix. Je travaille dans la restauration et quand j'ai fini le boulot, vous me donnez le courage de rentrer chez moi. Une heure de temps. En une heure de temps, vous pouvez toujours exploser de rire. Ah. On va s'écouter Soprano dans deux minutes. Allez-y, Guillaume et le chiffre. Il y en a un qui dit, est-ce que c'est 200? C'est moins que 200. Voilà. Guillaume est 76. C'est plus que 76. On cherche un chiffre entre 76 et 200. Est-ce que c'est 138? C'est plus que 138. Entre 138 et 200. Guillaume est le chiffre entre 138 et 200. Est-ce que c'est 160? C'est plus que 160. Un chiffre entre 160 et 200. Eh les gars, avant qu'on parle de sexe dans un instant, vous bougez pas, on va se faire le jeu de l'arme du crime. Ouais. Dans mon équipe, je vais prendre sûrement Flo des cadeaux et Julien Stagiaire. Ah, ok. J'aime trop. Où je vais prendre Jordan l'apprenti et Aude, les nouveaux. Ah ouais, ouais. Et on va essayer de voir, deviner qui a l'arme du crime entre les deux. Il faudra qu'ils mentent le mieux possible. On va le faire dans un instant. Il y en a qui disent 175. C'est plus que 175. Un chiffre entre 175 et 200. Faut bien commencer le texto par Guillaume. Guillaume, un espace et le chiffre. Est-ce que ça serait 190? C'est moins que 190. Oula. Est-ce que c'est 182? C'est plus que 182. Les gars, allez-y. Un chiffre entre 182 et 190. Une chance sur 8 de gagner le drone si vous êtes le premier. Ouais. Là, DJI Phantom 3 à l'occasion de la sortie de Transformers The Last Night. Guillaume, un espace et vous mettez le chiffre entre 182 et 190 avec votre numéro de téléphone au 612. Est-ce que c'est 184? C'est plus que 184. 187, c'est moins. Oh là, entre là 184 là. Et 187, Guillaume est le chiffre avec votre numéro au 612. Dans 30 secondes, je prends le gagnant. Ça s'est passé chez Koé sur Énergie. Le docteur Mamour ne serait pas mort dans Grey's Anatomy. Ah oui. Mais non. Ah, tu vois, c'est t'étais même pas au courant. Mais bien sûr que si. Mais bah, visiblement, non, il serait pas mort. Bien sûr que si. Là, il y a une théorie là. Voilà. Je n'arrive pas à être motivé par ce que je viens de dire. J'ai essayé de porter le truc, hein, mais... On s'en bat les couilles. 19h, 22h, sur Énergie. Comme Spider-Man, il a des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas. Comme lui, il a des réflexes, des sensations que les autres n'ont pas. Comme Spider-Man, il sauve des vies. Il, c'est Sam. Et Sam, ça peut être toi. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouve Sam avec Spider-Man au cinéma et sur les réseaux sociaux. Énergie, it's music only, avec Supreme NTM en concert. Retrouvez le groupe mythique du rap français les 9 et 10 mars 2018 à l'Accor Hôtel Arena à Paris. Attention, concert complet, ultime date le 8 mars. Infos et réservations, énergie.fr et point de vente habituel. Supreme NTM, en concert, un événement énergie. On t'arrête de jouer maintenant, on approche de l'Espagne, je vais exploser ton forfait. Ah, ça va, je m'en fous. Quoi? Hein? Tu dis quoi là? Non, je te disais qu'avec mon forfait mobile free, j'ai 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Alors tu vois, on pourrait même aller en Australie que je pourrais encore jouer. Ah oui? Bah ouais, j'ai même les appels SMS et MMS illimités pour le même prix toute l'année. Bien, merci prix. Offre soumise à condition sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé, plus d'infos sur mobile.free.fr. Bon, bah t'appelleras donc ta grand-mère tous les jours. Ça va me coûter. De 22h à minuit sur Énergie. c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, Guillaume, un espace et un chiffre entre. On cherchait entre 184 et 187, c'est 186. Voilà, le premier qui a envoyé. Bravo. 186. On va prendre le logiciel. Je vais l'appeler pour le juste prix. On s'amusait à faire ça ce soir. Il y a Transformers The Last Night qui sort. On a acheté des drones pour rigoler, du coup, des DJI Phantom 3. On appuie sur le bouton. Il est arrivé précisément juste avant la pub à 22h50 et 47 secondes chrono. Il n'y a pas de triche, c'est le premier grâce au logiciel. Allô. Ah, ça répond. Ah. Vous allez bien. Yeah. Papa. Tu m'entends ou pas? Oh putain, c'est énorme. Ça fait, ça fait très louche parce que ça a pas sonné. Ouais, ouais. T'as répondu. Mais non, mais parce qu'en fait, je m'y attendais parce que j'ai envoyé 186 au hasard au tout début. C'est vrai? Ah, t'as anticipé? Ouais, ah ouais. Mais pourquoi ça? Bah, je sais pas, qu'il y a un décalage parfois. C'est du hasard. Eh ben, félicitations en tout cas, mon con. Ouais, bien joué. Je suis sur l'application en plus, je crois, il y a un décalage. Bah, c'est pour ça que je te dis ça, j'ai compris. Ah, ouais. Parce que, quand vous passez sur l'application, parfois il y a 20 secondes de décalage. Ouais. Et donc, en fait, le temps que tu envoies le message, moi, il était toujours pas arrivé. En fait, on était en décalé, bref, de 20 secondes. Voilà. Mais allez, en tout cas, félicitations, mon con. Bien bravo, joué, ton, mec. Ton prénom, ta ville, ton âge? Geoffrey Clermont, de 21 ans. Vas-y, pas de problème. Tu fais du rugby? Non, c'est la ville de rugby, clairement. Ah ouais, bah oui, c'est vrai. Grosse ville de rugby. Hein. Et de pneus. Ouais, mais sauf que moi, c'est dans l'Oise. Attends, excuse-moi. Alors, j'ai un stagiaire, j'ai grosse ville de rugby, tu dis quoi? Et de pneus aussi. De pneus? Ouais, les pneus Michelin. Ah, ils ont clairement Michelin. Ouais. Ah ouais, c'est pas une connerie. Hein. Ah, pourquoi t'y allais? Non, mais c'est connu comme ça. Non, mais, ah, mais attends, c'est pas le même Clermont. Non, mais attends, c'est Clermont-Lérault, toi, ou Clermont-Ferrand? Non, Clermont-Oise. Ah voilà, c'est encore une fois. C'est du rugby, les gars, c'est rien du tout. Mais commence par nous le dire directement. J'avoue. Tu fais quoi dans la vie à Clermont-Oise? Je travaille en supermarché. Je suis un peu médium. Clermont-Loise, c'est dans. L'Oise. L'Oise. Exactement. Le 60. Hey. Je suis un peu médium. J'ai un peu mentaliste aussi. C'est vrai. Nous aurons demain, on invite Fabien Olicard. Il va être bluffé par mon pouvoir. Je peux te dire que je vais lui montrer ce que je sais faire. Franchement. Et quand l'un d'entre vous appelle de Clermont-Loise et que je devine que c'est dans l'Oise, je vais lui faire arrêter sa carrière. Il va avoir peur là. Ouais, dédicace à toi, l'Oise. Le 60. 60. Picardie. Exactement. Et Hauts-de France. Et je t'envoie le DJI Phantom 3, frérot, le drone. Oh, ça tue. T'as vu que ça fonctionne pour de vrai, hein? Bah ouais, franchement, ouais, ça fait peut-être un an que je joue, mais ça fonctionne. Bah voilà, t'as vu. Et bah voilà, c'est juste que t'as une chance sur 40 de gagner, une chance sur 50, voilà, et puis voilà, là t'es arrivé. Voilà. Bravo. Ah bah là t'as un beau cadeau. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Et tu m'as dit tu travaillais dans une maison close. Une maison close. Ah, supermarché, c'est ça, dans quel supermarché? Ouais. Cora. Ah, Cora, très bien. Je me rappelais plus du supermarché, c'est pour ça que je connais. Ah bah vas-y, on s'entraîne. Dédicace. Hein. De quoi? On s'entraîne à faire du mentalisme. On s'entraîne à faire du mentalisme. Je vais les voir, ça les cracher un peu le truc. Hein. Et j'imagine, toi, ta position sexuelle préférée, c'est la. Enfin, par derrière la. La levrette. Exactement. Tu sais pas. T'as vu comment tu fais? Et sur une femme en premier, quand tu arrives de dos, tu regardes son. À son cul. Ah. Je suis mentaliste. Et Guillaume Play mentaliste. T'imagines en spectacle. Je fais des consultations au 612. Vous pouvez y aller, je répondrai à vos questions. Posez-moi les questions que vous voudrez, je répondrai. Ah, une ouais. Question que je réponds que aux questions faciles et sans enjeu, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Évidemment. J'ai un stagiaire, je vois qu'il y a une chemise bleue. Oui, c'est ça. Je suis mentaliste. Oh, putain, Guillaume Play mentaliste. Mais moi, je savais pas la couleur. Toutes les questions évidentes. 612. Toutes les questions évidentes, évidemment. Quel jour on sera demain? Mais oui, je pense que nous serons. Laisse-moi me concentrer, nous serons mardi. Oh. Et tu as un talent, franchement. Oui, je suis sur le mentaliste. Oh, la vache. Au 612, consultation gratuite au 612. Qui répète tout le temps. Au moins, je suis pas un arbre. Ça va très bien. Le grand Babylon follow me. Them fight to fears. For your love, only poor man serve years. Babylon sodomy. Them fight to fears. I know the whole of them are by shears. J'ai deux passions, c'est la Canterbois et la Cronenbourg. J'ai deux ennemis, c'est l'OL Perrier. Merci. Merci. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'on s'est. Salut Guillaume, please. Remets Darnell Williams. Ah ouais, on avait découvert l'autre fois là. Ah oui. Un mec qui fait du rap sur internet. Et bah, félicitations, mon con, en tout cas. Et toi d'ailleurs, Geoffrey, t'as une passion dans la vie qui t'a un peu ruiné, une période de ta vie? Un couple, un boulot, l'école? Ouais, moi c'était à l'époque, c'était Abo. C'était quoi? Abo. Ah oui, Abo, ouais. Abo. C'est les mini personnages et tout. Ouais. Ouais. Sur Abo, il m'avait fait mon studio, il m'avait modélisé. Non. Ils avaient fait le studio Énergie. J'étais en Belgique à l'époque et il a été hyper repris en France et partout, quoi, du coup. Ah merde. Abo, c'était H-A-B-O. H-A-B-B-O, ça veut dire quoi? Merci Jordan. J'ai acheté un BBO, il me dit ah oui, 2B. Il s'est compté peut-être. Ah oui, il est bon. C'est salut Guillaume. Je parle uniquement maintenant aux mentalistes. Tu es sur quelle radio, Guillaume? Laisse-moi me concentrer. Ah. Je sens énergie là. Trois lettres. Oh là là. C'est ça, hein. Ouais, 3 énergie, ouais. Ah, il fallait juste confirmer. Ah ouais, je croyais qu'il fallait jouer, d'accord. Ce qui est vrai, c'est que d'une fois à l'autre, il oublie la vanne. Tu oublies. Joue le jeu. J'ai l'impression que je suis anesthésien, il est complètement con. Non. Non. Laisse-moi me concentrer. Ah, pas besoin. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Gentil. J'ai deux passions, c'est me branler le crâne dégradé du Julien Stagiaire. Oh. C'est une agression, c'est pas drôle. Je suis gentil. Eh oui. Julien Stagiaire, combien ça fait 3 x 3 mort derrière pour voir si t'es chaud pour le brevet là? Bah ça va, ça fait 9. Eh oui, il est bah attends, je suis pas débile non plus. Et là, il a pris complètement sérieux la question. Perle de 3. Attends, après, il a pas du tout vu la vanne, il a baissé les yeux. Bonsoir Guillaume. Alex, j'ai une passion dans la vie, c'est la moto. J'ai bouffé 1000 euros en 4 mois. Merde, salut mon con. Ok. Quelle ville pour les JO 2021? C'est 2024? Ouais, ouais, c'est Paris ou Los Angeles. Alors, je ne vois pas de JO en 2021. Je suis mentaliste. Guillaume, si son. J'ai deux passions, c'est les pantoufles en forme de dinosaures et marcher sur des râteaux. Merci beaucoup. Oh. C'est drôle ça. Ouais, c'est drôle. Ah, t'es bonne. Salut à toute la Touraine, représente la Touraine. Vers Tours. Alors, du coup, Geoffrey, je te repasse le standard, mon copain, et puis on va te reprendre direct, d'accord? Ok, pas de soucis, merci. Vas-y, hein, dédicace, poteau. Et félicitations pour le DJI. Ok. Bravo, mec. Bien joué. On t'envoie le drone à la maison, on se fait de nouveau la Imagine Dragon, qui s'appelle Believer. Je t'apprends ce qu'elle aura, ce que vous voulez d'ailleurs. Tidiaz, Shawn Mendes, il y en a un qui me demande. Black M, frérot. Avec Soprano, on se recale juste après sur Énergie. Guillaume, Radio 2.0, on est en direct jusqu'à minuit. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You made me a believer. Turn your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like. The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... De 22h à minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez sur Énergie. Bonne soirée, hein. Je m'appelle Guillaume. Si vous venez d'arriver, c'est Guillaume Radio 2.0. On est en direct à 22h tous les soirs, à 10h du soir jusqu'à minuit. Si vous êtes, si vous voulez venir à la radio, vous êtes les bienvenus, les gars. Guillaume est au début et votre message au 6-11-12. Si vous voulez venir délirer, vous êtes les bienvenus, les gars. Salut poto, ce serait possible de gratter un sweet ou un cadeau. Je te kiffe, merci d'avance. Bien sûr, on vous file plein de trucs, les gars. Ouais, salut. On va tout à l'heure vous offrir plein de trucs. On a des. Qu'est-ce qu'on a? On a des drones DJI qu'on a offert. On a aussi des week-ends. week-end à Disney qui défonce. Des séjours, ouais. C'est énorme. Avec une rencontre avec Steve Aoki à l'occasion d'un festival Flo des cadeaux. Ouais, c'est l'Electroland en fait. Il y a tout le parc Disney qui va avoir un gros festival électro. Et donc vous aurez accès aussi au parc et vous pourrez faire les attractions la nuit. Franchement, ça défonce. Franchement, ça c'est les meilleurs moments, ça. Le parc il est privatisé et tout. Ah ouais, il y a personne et tout, ça défonce. Je vais vous donner ça après là. Les week-ends à la cool. On va retrouver au standard Eric, 52 ans. Bonsoir Eric. Ouais, bonsoir. Ça va Eric? Salut Eric. T'inquiète, papa. Ah, vous allez bien? Salut papa. Ça va beaucoup, enchanté. Ah ouais, toujours. Ça va Eric? Eric qui envoie régulièrement des messages, non? Bah ouais, bah, tu me réponds toujours. Bah oui, oui. Merci. Tu vois Mathieu que je te réponds jamais là. Qui m'a appelé tout à l'heure pour dire que je répondais jamais aux messages. Bah, c'est des conneries parce que c'est marqué lu ou pas lu. Tu vois la personne s'il lit ou pas les messages. C'est tout simple. Attends, mais t'envoies des messages à qui, Eric là? Bah, à toi, cette connerie, bon. Bah oui. Mais tu m'envoies des messages où pour voir marquer lu ou pas lu? Bah, sur Facebook. Ah, sur la page Facebook, oui. Oui, dans les messages. Oui, en message privé, ouais, bah, bien sûr. Exactement. Tu m'avais dit, je sais pas. Bah ouais. Exactement, et bien sûr je réponds tout le temps là. Bah bon, ouais. Hey, ça fait plaisir en tout cas. Merci Eric d'appeler et tout, c'est trop cool. Tu voulais réagir et tout par oui, rapport à la passion de, qui a ruiné un peu votre vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire toi? Ben moi je peux pas faire en fait ce que je veux. Je voulais conduire les bus parce que j'adore tout ce qui est transport en commun, je peux pas à cause de mes yeux. Ah merde, pourquoi? Ben parce que je fais 2/10 d'un œil et 5/10 de l'autre. Ouais, c'est juste. Ah, ouais, ouais. Conduire un et bus. Donc c'est trop. Et je peux même pas conduire en fait ni moto ni aucun engin motorisé en fait. Ah, t'as même pas le droit d'avoir une moto, ouais. Pas de voiture. J'ai pas le droit. Ah, normal. J'ai voulu passer mon permis, je suis allé directement sur Évry, visite médicale et puis là, non. Ils m'ont fait un papier. Ah là là, putain, là, ça c'est trop dangereux. Même en vélo, alors c'est dur. Ouais, ça c'est vraiment. Non, en vélo, je fais du vélo quand même. Ah oui. Après je sais pas. Trottinette. Hein. Ouais. Et donc t'as deux passions dans la vie, tu disais toi pour de vrai. Alors, la deuxième c'était machine à laver. J'adore les machines à laver. c'est mais... c'est très sérieux. Hein. Vous vous rigolez, mais rigolez. Ah mais c'était une blague ou c'est vrai? Non mais c'est pas... j'ai une gueule à rire. Non, ça on sait pas. J'ai un doute, Eric, tu me mets dans un trou. Eric, je sais plus. Je m'assois par terre, je sais plus, Eric. Je peux être méchant, je peux dire. Mais non, mais. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Non, mais t'es vraiment passionné par les machines à laver? Genre le petit hublot, tu kiffes? Non, mais il fout de ma gueule. C'est quoi? Donne-moi des marques de machines à laver. Bah, j'en ai une devant moi, la mienne. 9 kilos Hoover. C'est une machine idéale. C'est un vrai jouet, je l'entends pas. Putain, non mais c'est pas une blague. Waouh. Après vous avez la pire des marques à éviter aussi. C'est quoi? Non. Je dis rien. Vas-y, dis-la. Bon bah du coup on est rock'n'roll, je suis tatoué. C'est vrai. Hein? Bah Guillaume, quand tu fais une lessive, t'aimes pas être emmerdé par le bruit, c'est logique. Ouais. Ah mais c'est bah moi c'est pareil. Ah c'est dégueulasse. Alors attendez, j'ai pas une musique de la lune. Attends. Pas une musique de machine à laver. Attends. Là vraiment il faut que je vous mette. Attends, il faut que je vous mette une musique un peu mystique. On va ailleurs là. Ouais. Alors, attends. Et donc, la machine à laver, c'est quoi la pire marque des machines à laver? Il est passé par les machines à laver, Eric, 52 ans, 91. Bah la pire des marques, bah c'est français, c'est quoi à dire, c'est Vedette. Ah ouais. Vedette, Brand Thompson. La motorisation en fait, c'est ça leur défaut. Parce que toi tu sais démonter une machine à laver de A à Z? Ah moi je l'ai amené chez maman, je l'ai démonté par pièces détachées par plaisir. Ah c'est vrai? Ah ouais, t'y arrives, j'ai plaisir. Bah bien sûr. Et tu la remontes après? Bah oui. Non. Ah bah non, je la remonte pas, non. Ah oui? Après c'était ferraille, bah non. Hein. Mais attends, c'est-à-dire qu'elle marche et pour le plaisir tu les démontes? Après, ah non, celle que je ramenais c'était des vieilles qui marchaient plus. Pour bah. Plaisir, je prends des caisses, je les casse. Après je les regarde quand si. Et après je me couche. Le lendemain je me lève, j'y recasse un peu plus. Et je suis bien. Moi j'aime bien quand je casse les trucs. C'est là que je suis heureux. Non mais je vais casser les gueules aux gens. Non mais c'est-à-dire que tu prends une machine à laver vide, tu la démontes, dans l'unique but de ne pas la remonter. Tu la trouves où? Mais même pas. C'est un plaisir pour voir exactement qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il y a quoi dedans? T'as raison, mais pourquoi tu la répares pas quitte à la démonter? Bah oui. Mais Guillaume, la mienne que j'ai, la maison, elle doit avoir 11 ans, c'est une vedette. J'ai plus la référence exacte. Bah, la pompe, elle avait un tout petit défaut. Tout le monde m'a dit, ouais, bah elle est morte. Mais je soufflais tout simplement dans le tuyau de pompe et pouf, elle est repartie. Ah voilà. Ça bouge sur les trous aussi. N'importe quoi. À chaque fois, c'est ce qu'il me dit. J'aime pas de machine. Je mets la bouche sur le trou. Arrête. C'est le tuyau de pompe. On l'appelle le tuyau de pompe. On m'appelle pas comme ça. T'as pas vu le tuyau de pompe? Il est dans la bacro. Tu vois le tuyau de pompe? Je vais vider dans le tuyau de pompe. Fais un bruit de machine à la. Fais un bruit de machine avec. Dégueulasse, les gars. Et donc, Eric, passionné par les machines à laver. Et c'est-à-dire, tu les collectionnes après, ça t'arrive? J'ai trois machines à laver ici qui marchent, en fait. Ah, les trois, putain, ton linge, il doit être propre. Une ouvreur, 9 kilos. Ouais. Une four de ma grand-mère qui m'a donné les toutes petites 40 cm, là, 800 jours. Ouais. Et puis ma vedette, 5 kilos, pareil. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a des plus légères, plus tout ça, quoi. Bah ouais, 9 kilos c'est nickel, ça compte des quotes, des trucs à laver, c'est nickel. Ah mais non, mais c'est sûr. Moi c'est vrai que ça me fait plaisir qu'on soit sur cette radio là. On parle de machine à laver. On parle de machine à laver. Non mais on n'y pense pas. Non, mais le matin je me réveille. Tu peux parler de tout. Mais exactement. Alors, tiens, sors-moi une autre passion que t'as dans la vie, un truc qui te plaît. Bah moi c'était le transport. Ouais, ouais, les bus et la machine le à laver. Le train, tout ça. Je suis passionné par les bus, on dirait une fois. Il y en a plein. S'il y avait une machine à laver qui roulait, même les avions et tout. Non, mais les trains, on vient toujours au même problème en fait, hein, tout ce qui est transport. Ouais. Métro, ouais. Mais c'est-à-dire, parce que du coup, tu peux pas. Tu fais quoi dans la vie, toi, du coup? Et moi, je t'ai dit que je travaille dans le nettoyage, je t'ai envoyé un message. Ah oui, mais tu travailles chez qui? Ah là, je travaille pour une société de nettoyage. D'accord, ouais, logique. D'accord. Exactement, pour le dire. Ouais, mais donc excuse-moi parce que j'ai posé la question tout à l'heure, mais tu m'avais pas donné le nom, donc je peux pas me rappeler quoi, toi. Faut que tu bosses dans une laverie. Ah bah c'est vrai ça. Alors pourquoi tu vas dans une laverie? Tu seras en toi, c'est le paradis pour toi, une laverie. Ou VRP. Il rentre dans une laverie. Il a des machines partout. Moi je suis rentré le plus heureux des hommes. 4000 tours minutes. 4000 tours minutes. Non, et là ouvert. Ça n'existe pas 4000 tours. Ça n'existe pas. Maximum c'est 1500 tours et encore. Ah ouais. Les meilleurs. Pardon. Et encore. Moi j'ai 1200. Le maximum c'est 1400 tours. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. 1400, c'est déjà bien. Hein. C'est énorme. Ouais. 1200, ça fait du bruit. Hein. 1200, non, c'est pas vrai, même, tu l'entends pas. Je te dis, tu peux coucher à côté, tu l'entends pas. Ouais, mais c'est parce que t'as une machine qui vaut 12 000 euros. Ouais. La mienne, j'ai payé 550 euros. Hein, ah ouais. Ça va, putain, c'est cher. Hein. Merci les gars, c'est énorme. Je m'y attendais pas. J'ai pour préciser que le code postal, c'est 6600. Je crois que j'avais donné mon ancien code postal. Ah, pour le gagnant. DJI, ouais, ouais. T'as gagné le drone avant. Salut Geoffrey Mordin, salut à toi. Là. Big up à la team Ravia, je vous aime. Salut José Portugais. La troisième de Jean-Baptiste C. Et Julien, ça fait quoi d'avoir une tête à cul? Une tête à cul, je sais pas, que ça. Pourquoi une tête à cul? Mais vraiment, c'est. Une vidéo sur les paquets de chips dans le micro-ondes m'a fait trop rire avec la vieille salope dégarnie. Non, j'ai une grosse vieille salope là. Non, non, qu'est-ce que je vous ai fait? C'est un homme qui se respecte. Bah, je suis un être humain avec un petit cœur comme tout le monde. La vieille salope, il se garde, il appelle son père comme ça. Si. Oh non, non. Bah attends, il m'agresse, je me Mais c'est vrai que la vieille salope dégarnie, c'était tout. Mais non, non. Salope dégarnie, attends, c'est quoi? T'es pas mieux. Je suis pas une salope, je suis pas dégarnie. J'ai pas mieux, encore. Guillaume, et vous auriez vos dédicaces aussi, sans ce doute. Qui sont courtoises et polies. Voilà, chaleureux. Allez, on va jouer. Je t'ai laissé un commentaire aussi sur votre vidéo. Ah, c'est vrai? Ah, bah c'est gentil. Merci. Hein. Sur le mien, c'est pas une blague, tu peux mettre un bol de café. Avec une cuillère. Tu m'en parles de ta machine là, ça va. C'est génial. Non, c'est pas une blague. Hein. Non, c'est énorme, mon vieux. Et tu sais que Eric, parce que là, on a sorti une vidéo, vous êtes 300 000 à être allé voir en moins merci. De deux jours. Merci. Ouais, beaucoup. 295 000 déjà, c'est énorme. Ouais. On a fait une deuxième chaîne YouTube, on a Guillaume Play, on est 1 750 000. Et on a Gameplay, G-A-M-E-P-L-E-Y, vous êtes 220 000 abonnés, ça y est. C'est cool, merci. Et ouais, ça fait trop plaisir. Et en fait, on a commencé à moins de deux mois. On vous met un défi le mardi, mardi et samedi maintenant. On en met deux par semaine. Et ça fait super plaisir. Voilà, c'est des conneries. Par exemple, on met sur un terrain de foot, on met une grande bâche avec de l'huile et de l'eau. Et on se fait mal. Et on tape. Je me suis quand même cassé le poignet sur la vidéo que je vous mettrai demain. C'est vrai, merde. Demain, je vous mets la vidéo avec laquelle j'ai une vraie attelle et tout. Hein. C'est voilà. Chaud. Elle est là, elle est dure. Entourée de mousse et tout. T'as pas avec ton poignet sur le micro, peut-être. Mais c'est vrai. Je me suis rendu compte en le faisant. Vu qu'il est cassé. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas, quoi. Et ça y est, vous êtes 220 006. Merci beaucoup. Ah, merci. Donc, merci. Un Gameplay PLEY. Et pareil, sur Guillaume Play aussi, on est 1 750 000. On se retrouve de plus en plus nombreux. Et vraiment, merci à vous tous, les gars, d'être là. On vous met tous les défis. Donc, on en met un demain. C'est une vidéo dans laquelle j'étais déguisé en cactus. J'ai un stagiaire en licorne. J'étais belle. Hein. Et Flo des cadeaux en brise de Nice. Avec une planche avec des clous dessous. Et la perruque. Et on a vidé une piscine de 15 mètres. Ouais. On a mis à l'intérieur 10 000 ballons de baudruche remplis d'air. Et on s'est jeté dedans. Sauf que je suis tombé du coup de 2m50. Bah finalement les ballons se sont crevés. Moi j'étais habillé en cactus avec des clous. Résultat, je me suis fracassé sur le sol et je me suis cassé le poignet. Petit souvenir quoi. Flo Decado s'est complètement ouvert le pied. Je me suis ouvert le pied, ouais. Et je lui ai dit, c'est un peu raflé le genou. Un hématome, ouais. On sent le mec qui a pas sauté dessus. J'ai sauté, mais attends, je suis solide. Moi, machine fait 1800 tours minute. Il est démodé, le fan de la machine. Ah, alors Eric, il y a des 1800 tours minute des machines là-bas. Il y a débat. Excuse-moi, il y a débat. Voilà. Que tu saches. Que tu saches que. Il y a des mieux maintenant. Ça a évolué. À ma meuf Louane, à Mathéo, Thibaut et Princesse Bibi 88 Coq. Salut les gars. Allez, on va se faire un jeu. Reste avec nous, Eric. Charles de Bordeaux aussi. Charles, toi, tu vas nous raconter. T'es fan d'armes à feu et t'es arrivé une merde à cause de ça. C'est ruiné ta vie. On va en parler. On parlait des passions qui ruinaient votre vie. Guillaume et votre message aussi 11-12. Est-ce que vous avez vous aussi une passion qui ruine votre vie? Et ensuite, on va jouer au jeu de l'arme du crime dans 30 secondes. Charles, qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-nous un peu ta vie, qui tu es, tout ça. Alors, moi, je suis de Bordeaux. Ouais. Donc, si tu veux, moi, je suis passionné d'armes depuis plus de 15 ans. Ouais. Je fais du tir sportif depuis l'âge de mes 12 ans. Ouais. Donc, malheureusement, on pourrait croire que j'avais des armes à l'école, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Si tu veux, quand on est tireur sportif, bah, c'est avant tout un sport. Et je crois que tu tiens mal ton téléphone, frérot, et on t'entend un petit peu moins bien. Ah, là, tu m'entends mieux ? Beaucoup mieux. Ouais, merci. Merci. Beaucoup mieux, ouais, excuse-moi. Pas de problème. Et donc voilà, donc en fait le problème c'est que quand t'es tireur sportif, t'es souvent pointé des doigts parce que tu aimes les armes, ou, etc. Donc de toute façon c'est où on connaît les armes, où on en a peur. Malheureusement, ouais. Maintenant c'est comme ça, surtout avec le contexte actuel. Ouais. Et donc moi le problème qui m'est arrivé, c'est que dans les stands de tir, quand tu fais ta discipline, il y a énormément de personnes. Les stands sont grands. Donc on côtoie beaucoup de monde. Le problème c'est qu'on ne connaît pas tout le monde. Donc jusqu'au jour où j'ai côtoyé certaines personnes qui tiraient à côté de moi au stand, j'ai sympathisé avec eux sans problème, discuté, après on a commencé à se voir à l'extérieur, enfin vraiment sans problème, il n'y a pas eu d'histoire. T'es d'où à Bordeaux toi Charles? Mérignac. Mérignac, voilà. Bordeaux-Mérignac, ouais, c'est là qu'il y a la patinoire. Ah non, Mériadec, pardon. Mérignac, c'est qui est ma sœur. J'ai compris ma sœur avec la patinoire, ouais, c'est ça. Elle va kiffer. Exactement. Et donc voilà, donc le problème, c'est que jusqu'au jour où on est venu défoncer ma porte à 6h du matin, on m'a plaqué au sol, etc. Enfin, comme vous pouvez voir sur les chaînes du télé. Sauf que moi, voilà, j'ai été soupçonné pour pas mal de choses. Comme quoi j'aurais aidé certaines personnes, tout ça, bon, ce qui était totalement faux. Donc, attends, mais tu fais quoi dans la vie, toi, ton métier? Donc moi, avant, j'étais militaire. Maintenant, je suis électricien, donc rien à voir. Ah ouais. Militaire de l'extrême, militaire dans des trucs particuliers? Non, exactement, de l'extrême. Donc ça m'a pas trop joué en ma faveur. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous êtes ancien militaire... T'as 26 ans, toi? Ah, t'es jeune, ouais. Ouais, exactement. J'ai fait 7 ans. J'ai fait 7 ans, attends, 7 ans dans l'armée. Attends, mais c'est-à-dire, ouais. Tu viens de terminer, là, du coup, l'armée? Exactement, ça fait un an. Et tu faisais quoi dans l'armée, si c'est pas indiscret? J'étais dans les corps des commandos. Après, je peux pas t'en dire plus. Mais voilà, comme tu peux t'imaginer. Donc, on faisait certaines choses qui étaient assez extrêmes. Comme quoi, genre du parapente, la fléchette, la fléchette, non, du roller, à la base, on est parachutiste à la base, mais ça va être plutôt... pour vous donner un exemple, les reportages que vous voyez à la télé avec des hommes cagoulés qui vont faire des choses dans des immeubles, etc., c'est plutôt ce genre de choses extrêmes, quoi. Mais pas en France. Si, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Ah ouais. En France et à l'étranger. Oui, oui. Mais attends, les commandos de l'armée, ils agissent en France aussi? Bien sûr. Mais où ça? Bien sûr que oui. Bah, je ne vais pas te dire. Non, mais genre, c'est pas le GIGN ou des trucs comme ça, toi? On peut travailler avec eux. C'est ce qu'on appelle des soutiens opérationnels. Et maintenant, avec le contexte actuel, il peut arriver certaines choses. Donc, on doit mettre certaines choses en place dans le territoire français, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Bah à Bordeaux, il y a le RAID, je crois. Hein. Ouais. Donc voilà. Oui, oui, exactement. Ouais. Ouais. Aude qui se réveille. J'adore le RAID. Le RAID, c'est la police nationale. Hein, donc, c'est le ministère de l'Intérieur. Hein, donc, ça fait partie de la DGSI. Ouais, ils ont mis des antennes nationales, voilà. Des antennes locales, pardon, un peu partout à Marseille. Comme NRJ, en fait. Ouais. Tout ce qui est ministère de l'Intérieur au niveau renseignement, c'est DGSI. Pour tout ce qui est ministère de la Défense, c'est DGSE. Ouais, d'accord. Donc, pour extérieur et intérieur. Mais en fait, les deux. Attends, mais toi, t'étais commando, mais genre. En France, c'est-à-dire, tu faisais quoi? C'était quoi tes missions? C'était. T'allais chez les gens le matin? Pour comprendre. Non, ça c'est plutôt le pas de détails, tu vois, mais le métier consistait en quoi, ouais, genre ouais. Tu vois, pour comprendre. Mais ça peut être des soutiens opérationnels, de l'espionnage, de l'écoute. c'est voilà, c'est tout ça quoi. Pour le terrorisme donc, en particulier ou pour plein de trucs? Oui, ah oui, mais surtout oui, surtout en particulier. Après, ça peut être aussi du trafic. Donc ça peut être du grand banditisme, mais à l'échelle internationale. Donc là où le ministère de l'Intérieur sont obligés de faire appel à l'armée. On va dire des, voilà, exactement. Ah donc, oui, notamment, normal. Notamment pour renseignement de ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai la DGSI, la DGSE. T'as déjà toi, t'as 26 ans. Attends, tu fais plus âgé. Ah ouais. Putain. Ah t'es mature. Hein. Ah, t'es costaud physiquement, ouais, quand même. Alors je l'étais parce que moi j'ai été blessé donc je suis un peu moins. Mais non, ça c'est un peu. T'as été blessé quoi, genre tu t'es mis une écharpe comment? Non, sans longue. Non, j'ai eu plusieurs trous dans le corps. Si c'est pas vrai. Ah ouais, tu t'es tiré dessus. Exactement. Donc on essaye de. Et là, t'étais en convalescence à l'hôpital de Bordeaux qui récupère les commandos. Non, j'ai fait plusieurs hôpitaux en France. Donc je te dirai pas lesquels parce qu'il y en a pas beaucoup. Donc on va vite me situer. Ouais. Il y en a un à Bordeaux. Voilà. Ouais. Exactement. Et un très bon. Très bon d'ailleurs. J'ai plein de copains là-bas. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague. J'en connais plein en plus. On peut même dire le nom, ça dérange pas. Il y a des mecs qui font les postes Stroma et qui reviennent de la gare, ils vont à Bordeaux. Ah bon? Exactement. Bon, le principal c'est Percy, c'est à Paris. Il y avait Valbert qui a fermé, mais maintenant c'est Robert Piquet qui est à Bordeaux. Ah, exactement. Donc si je voulais dire c'est un vrai parce que je suis. Ah, c'est réputé alors. Ouais. Percy c'est l'hôpital quand tu reviens de mission, c'est un peu merdé. Hein. Faut pas. Quand tu vas à Percy, c'est jamais très bon. C'est mauvais. Ne pas confondre avec Percy. Pour écouter Soprano. Et Percy, c'est pour écouter l'infirmière. Ouais, quand c'est un peu. Attends, tu t'es pris combien de balles dans le corps, toi, Charles? 4. Ah ouais. T'es pas en même temps. T'as eu de la chatte, mon pote. Hein. Mais c'est exactement ça. Donc, en plus, maintenant, moi, je suis papa d'une petite fille de 2 ans. Donc, bravo. J'essaye de. Voilà. Ah, tu t'es fait tirer dessus quand t'étais papa? Donc, exactement. Donc, je venais d'être. J'étais papa depuis 2 mois. Oh. Et c'était en France ou à l'étranger? Donc c'est à l'étranger. Ouais. Dans quel pays? En Afrique. Ouais, mais ça je m'en doute. Ouais, mais là c'est pour Suède, hein, tu sais pas. Ils partent là-bas, c'est là que c'est chaud. Méfiez-vous parce qu'il n'y a pas que des interventions qu'en Afrique. Hein. Non, mais je veux dire parce que les guerres en soi, malheureusement, ouais, c'est Syrie, c'est bon, Syrie, oui, dans le sud, il y a Al-Qaïda, tout ça, donc c'est l'Afrique, malheureusement. Ça se passe. Et attends, et tu t'es pris 4 balles de quoi? Donc d'armes lourdes. Armes lourdes type Kalachnikov ou Ouais, voilà, tu sais pas quoi. Le mec il t'a pas dit non. Je tire à la Kalachnikov. Il prévient un modèle 84. J'ai pas eu un certificat à la fin en disant c'est quel qui avait tiré dessus. Malheureusement j'étais pas en état, oui. Et là, et tu t'es pris des balles où? Donc j'en ai pris deux dans la poitrine, une sur le flanc gauche et une dans la cuisse gauche. Dans la cuisse gauche où j'ai failli perdre ma jambe. Donc on m'a retiré un rein, enfin on m'a fait pas mal de choses. Donc, voilà. Ah, il est chaud quand même. Ah oui, pas c'était pas. Mais comment tu t'es. Non, t'avais pas de gilet par balle. Je me suis fait opérer 5 fois. Si, si. Mais. Les gilets par balle, ça passe sur les côtés. Voilà, non, ça passe sur les côtés. En fait. Et comme vous le savez, les trois quarts de l'armée française, il faut qu'on s'équipe personnellement. Donc c'est-à-dire, on vous donne une dotation, mais une dotation, on vous donne un gilet par balle à la base qui n'arrête pas toutes les balles de calibre. Donc en fait, après non mais c'est débile, tu t'achètes des plaques et tout, tu t'achètes des plaques par dessus et tout. Mais vous regardez au niveau des forces spéciales ou quoi que ce soit l'armée française, si jamais un jour vous pouvez en interroger un, vous lui demandez combien il a mis d'argent. Ça tombe bien, la boulangerie tous les matins j'ai les forces spéciales. Demain matin j'ai demandé au vieux devant moi, t'es force spéciale, t'es force spéciale. J'ai des questions. Vous rendez compte quand même qu'en France on doit quand même, les militaires donc, qui viennent défendre notre pays, on doit s'acheter notre propre équipement de protection pour avoir un équipement de protection à la pointe. Ah, tu peux y aller, mais en t-shirt. Moi, tu n'as pas en t-shirt. Moi, c'est fou, quand même. Malheureusement, ouais, mais c'est la réalité, mais ça fait longtemps. Hein. On doit faire un shirt de bas Calonji, on doit faire des cartons, les claquettes. Après, t'achètes un jean, si tu veux. Pas déconner. Putain, c'est un truc de. Attends, tu sais quoi, il y a 30 secondes de but. On peut te garder après 30 secondes, Charles. Vas-y. C'est hyper intéressant. Vous êtes tous en train de dire, putain, super intéressant et tout ça. Ouais. Guillaume et votre message aussi, 112. Je suis ancien militaire, sûr que c'est un mytho, lol. Non, non, oula, non. Il y a trop de détails. C'est un mytho, le gars, j'ai fait 15 ans dans les paracommandos de Metz et je peux te dire que c'est un gros. Arrêtez de dire, bien sûr que non, il a sorti des vrais trucs et tout. T'inquiète, Charles, bougez pas. 30 secondes, on en parle juste après ça. 30 secondes. Partez à Los Angeles, assistez à l'avant-première de Valérian et la cité des 1000 planètes. En présence de Rihanna. This is Rihanna. NRJ, my favorite radio station. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie ou sur énergie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie.

Guillaume Radio 2.0, on est avec Jérémy qui, Charles qui vient d'appeler, Eric aussi après, Marco qui est là pour l'énigme dans une minute. Tu bouges pas, Marco, là. On va filer des week-ends à Disney, hein. Des week-ends, ouais, à Disney. C'est énorme, quand même. 800 boules l'hôtel avec la rencontre avec Steve Aoki, le DJ, pour un concert. Un partenaire, en fait, on est partenaire de Electroland. Voilà, 8 juillet, ouais, à Disney, ça défonce. Ok. Et je vous file le week-end à Disney dans 2 minutes. Alors, il y avait juste avant de faire l'énigme, Marco, tu restes avec nous 30 secondes, frérot. Hein. On finit juste avec Charles, parce qu'on a été coupé par la pub. tu m'entends toujours, Charles, hein? Yes, je suis toujours là. Alors, on parlait des passions qui ruinaient votre vie. Toi, c'était les passions d'armes à feu. On va demander à toute l'équipe, d'ailleurs, leur passion qui a ruiné leur vie. Ouais. Et juste avant, toi, t'étais arrivé. Et en gros, t'étais militaire dans les commandos, 26 ans à Bordeaux. Et tu t'es pris 4 balles de Kalachnikov dans le corps. Tu disais, et maintenant, on t'a carrément enlevé à rein tout ça. Mmh. Exactement. Donc maintenant, je suis civil, je suis électricien, donc je suis plus posé. Alors, c'est marrant, c'est qu'il y a toujours les mecs qui croient pas. Alors, mais ça, c'est oui, bah oui. Et ça, c'est où les faux militaires ou les gens qui sont dans les bureaux? Ce que j'appelle les administratifs. Ah ouais, je m'en fous, moi. C'est les administratifs qui côtoient les gens, qui peuvent tout savoir, sauf qu'ils ont fait 2 terrains dans leur vie, et voilà. Ouais. Ça, c'est la requête. Non, pas les recalés. Ah non, ça, tu rigoles, non, pas du tout. Non, mais je sais pas, c'est la plupart des gens gradés. Ça passe aussi les recalés qui sont un peu jaloux, tu vois, de la réussite. Non, rien à voir, t'as des mecs, absolument pas. Non, il y a l'administratif. Dans le corps, dans l'armée, tu as tous les corps de métier. Mais heureusement qu'ils sont là, l'armée, t'en aurais pas, les gars. Ah, les médecins. Exactement. Attends, il y a beaucoup de messages. Ils disaient les militaires français n'opèrent pas en France. Je suis maréchal, là. C'est une connerie, ça. Demande-lui son nom et son prénom. On va rigoler, il ne le donnera pas. Je suis ancien militaire, sûr que c'est un mytho, lol. C'est un mytho, j'ai fait 15 ans dans les paracommandos. Alors voilà, bon, plein de messages qui ont quoi, c'est un mytho, Charles, c'est un mytho. Je te prouve en 2 secondes, juste 3 questions sur le paracommando et l'armement. Ah, alors vas-y. Bah, vas-y. Et tu veux qu'on le prenne, Charles, comme ça? La révélation, le duel. Comme ça, tu le démontres. Ah ouais, le duel. C'est rigolo, non? Ah, j'ai hâte. Non, mais j'adore parce que moi, je sais très bien quand vous appelez à 99% du temps. Il y a trop de détails là. Évidemment des vrais détails. Et puis alors il est très fort. Tu viens pas raconter un truc rigolo en plus, tu vois. Ah non, ça a rien de marrant. Il faut que ça réponde. Ah, attends, on va prendre justement quelqu'un qui ne te croit pas au téléphone. Ouais. Allô? Allô? Ah, toi t'es en train de rouler, toi? Ouais. Ouais, non, je suis pas en train de rouler, je suis arrêté. Enchanté, mec. Ton prénom, c'est quoi? Ouais, c'est Fred. Salut, Fred. Salut, Fred. Fred de quelle ville? Alors moi, à la base, je suis de Sancergue, dans le 18. Eh ben, représente. Le Cher. Salut à tous les membres du 18. Alors Fred, pourquoi tu crois pas que Charles, parce que moi franchement je vois pas pourquoi il passerait pour ça, mais vous êtes hyper nombreux à dire c'est un mytho, pourquoi? Bah parce que moi déjà dans son histoire, en fait il y a pas mal de choses qui m'interpellent. Du fait qu'ils disent que la Kalachnikov c'est une arme lourde, or que la Kalachnikov c'est un 7.64 ou un 7.62, ce qu'on appelle arme lourde, c'est à la rigueur du calibre 50, ce qu'on trouve sur les mitrailleuses de véhicules. Ou les snipers. Voilà. Donc il y a ça, il y a le fait du gilet pare-balles, comme quoi l'armée ne fournit pas le gilet pare-balles, ou comme quoi faut se doter soi-même du gilet pare-balles. Moi j'ai fait 15 ans à mettre, on m'a jamais dit en 15 ans qu'il fallait que j'achète un gilet pare-balles. Mais t'es parti en opération extérieure et tout ? Je suis parti au Tchad, au Liban, en Afghanistan en dernier. Ah ouais ? Ah ouais, t'as voyagé quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais répondre, Charles ? Allô? Ouais, tu m'entends, Charles? Oui. Donc, une petite question, Fred. C'est Fred, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il se croit pas, Michel. C'est hyper marrant, il se croit pas. La garde tranchée. On n'est pas dans une garde au coq, les gars. Hein. Marco, 16 ans pour l'énigme après. Vas-y, Charles. Fred, juste une petite question. En 15 ans, tu t'as acheté aucun matériel pour aller en OPEX? En 15 ans, j'ai acheté des camel bags, j'ai acheté pas mal de choses, mais j'ai acheté des lampes, j'ai acheté des treillis, puisqu'on au niveau de ton gilet pare-balles, tu t'es pas acheté des gilets TAC avec d'autres plaques clévards différentes peut-être. T'as gardé les gilets tactiques qu'on t'a donné en dotation. Je suis perdu. Ouais, mais si, mais les deux sont vrais, les gars. Après, ce qui est possible, hein, parce que moi je vous ai obligé, on t'a pas dit, c'est que chaque personne fait le choix d'acheter son matériel personnel. On t'oblige pas à l'acheter. Donc les gens qui veulent pas l'acheter, ils l'achètent pas. Mais t'as dû côtoyer des gens qui achetaient du matériel personnel. T'es bien d'accord? Bah après, peut-être dans les surplus, etc. Mais entre guillemets, du sein du corps propre, j'ai jamais vu de corps qui vendait des gilets pare-balles. Ah mais j'ai jamais dit ça non plus, hein. Non, il a jamais dit. Il a dit qu'il avait acheté. Mais c'est vrai que moi, je connais des militaires qui achètent leur matos, hein, pour avoir du meilleur matos. Exactement. Ça, c'est vrai. C'est bizarre. Si tu veux, on est avant de faire nos OPEX, on te donne une dotation. Une dotation, c'est le matériel. On te donne du matériel. Sauf que le matériel n'est pas à la dernière des pointes, comme tu le sais très bien. Donc les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des magasins spécialisés, ils vont acheter des nouveaux gilets, ils vont acheter des nouvelles plaques Kevlar au niveau des protections parce qu'elles sont meilleures, ils vont acheter un nouveau casque, ils vont acheter des nouvelles lunettes, tout ça personnellement. Mais j'ai jamais dit que l'armée te disait d'aller t'acheter ton matériel. On voit tous les deux. Et en plus, c'est trop mignon. Il y a un message très calme. Attends, juste Charles, il y a un message très calme qui est arrivé qui dit: ceux qui ne croient pas sont ceux qui ne savent pas. C'est Jérôme. Bien joué, Jérôme. C'est beau ça. C'est non, beau. Mais c'est vrai. Tu le crois, Fred, ou tu le crois toujours pas, Charles? Après, le fait qu'il ait pris des balles de Kalachnikov, c'est tout à fait possible, hein, puisque moi j'ai des collègues qui sont restés malheureusement dernièrement en Afghanistan. Fred, si je puis me permettre, le Calibre 50, il n'y a pas de souci. Hein, c'est ce que tu as en Calibre 50. Si j'avais pris une Calibre 50, je serais plus là pour te parler. Ah bah là, ouais, ça te serait coupé. Calibre 50, oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. Non, mais attends, moi, j'ai déjà tiré au 50 dans un stand de tir à Las Vegas quand on allait faire l'émission. Ouais, j'ai fait tirer notre ancienne standardiste Amina, elle a pleuré pendant une heure et demie. Alors qu'on ne l'a pas tiré dessus, c'est elle qui a tiré. Hey, Guillaume, c'est violent. Généralement, le Calibre 50, donc, c'est le. On va dire, c'est American Sniper, le film. Ah oui, il est au Calibre 50. Le calibre 50, si tu joues au niveau du sniper, c'est le calibre qui a le plus gros qui existe au niveau du sniper. Sinon, après, c'est des armes que tu as, donc des armes lourdes que tu as sur des pick-up, sur des véhicules de guerre. Donc là, c'est complètement fixe. Donc c'est un petit peu comme vous avez, je vous fais un résumé, hein, comme vous avez dans un film, où vous appuyez sur deux boutons sur le côté, c'est du calibre 50 qui sort. C'est ce qu'on appelle une 12-7 à l'armée. Donc il me dira, Fred, hein, si je suis encore un mytho ou pas. La 12-7, si tu veux, c'est un calibre 50 qu'on a sur le. Donc, pour les là, c'est, non, mais c'est rigolo, non, mais. Je te crois, Charlie. Fred, tu crois toujours pas ou tu veux qu'il en rajoute? Non, mais c'est pas. Voilà, après. C'est juste le fait du gilet pare-balles, quoi. Allez, non, mais le gilet. Ouais, bon, après, j'en sais rien. Vous étiez peut-être pas au même service, au même truc. Ça dépend, ça varie, ouais. Et... Non, après, chaque régiment est différent. T'as fait l'Afghanistan ou pas, Charles, toi, en commando de l'armée? Oui, je l'ai fait. Donne-lui une ville qui est pas très connue, que t'es obligé de connaître quand t'es allé. Ouais, pas Kaboul, quoi. Non, mais je vais même donner mieux. J'étais blessé donc au Tchad. Donc, j'ai été blessé à Ahmed, donc qui est à côté de la frontière du Soudan. Donc si t'es allé au chat, tu dois voir, voilà, c'est juste voilà. Bon, c'est où t'as été blessé, ouais. Voilà. Ahmed. Voilà. Non, mais j'ai pas été. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a été blessé au chat, donc il y aura pas de problème. Oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, t'as le droit de dire que t'as été blessé. Oui, bah, on rencontre quelqu'un dans la rue, on peut dire: ah non, je me suis fait ça en tombant. On m'enlève un, hein. Mais une grosse punaise, hein. Et Guillaume, pour les autres, pour les autres, la plupart des blessés étaient rapatriés sur Djamena, donc. Exactement, c'est pour ça que je te disais ça. Donc c'est pour ça que je t'ai dit Germain après. Et après on est transféré sur Percy à Paris. Voilà, et assez rigolo. Et les deux militaires qui sont pour les mythos, c'est très marrant quand même. Et pour les petits points qui disent que les militaires français n'interviennent pas en territoire français, juste à savoir, le GIGN qui intervient sur le territoire français et en opération extérieure sont des militaires et demande des fois des soutiens à l'armée française parce que manque de personnel. Mais même les sentinelles, c'est l'armée. Ouais, et donc ils sont en France, ils ont une opération en France, donc c'est l'armée. Quelque chose de très simple, le 14 juillet, le défilé du 14 juillet, il y a une sécurisation qui est faite pour la ville de Paris, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut protéger tout le monde. Toute la sécurisation qui est faite autour de Paris, mise en place de sécurité, même sol air, donc des missions qui sont mises en place pour protéger le sel, tout ça, c'est des militaires qui le font. On ne va pas demander à la police nationale de faire ça. Donc les petits ont une texte en disant que les militaires n'interviennent pas en France, n'importe quoi. Et les missions Sentinelles, c'est la base. Voilà, vous voyez les gens. Alors, on croit, ouais, pour te rejoindre là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pour te rejoindre là-dessus, à savoir aussi que les gendarmes sont militaires. Exactement. Donc. Ça y est, ils sont d'accord. Ah, on a mis longtemps. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend des gens, on nous dit: ouais, c'est les mythos. Mais oui, personne n'y croit. Bien sûr. Et t'as pas fini, frérot, pour nous dire pourquoi t'avais des. T'as pas fini pour nous dire pourquoi t'avais une merde et tout. Et ensuite, on se fait l'énigme. Et ensuite, après l'énigme, on parle de cul et on se fait le jeu de l'arme du crime. Je finis mon histoire alors. Et donc, du coup, petite. T'étais passionné d'armes à feu et en gros, t'es rentré, tu t'es fait tirer, tu t'es fait opérer, t'as arrêté l'armée, tu retournes en France et là, tu vas au stand de tir. Je synthétise. Voilà, moi, je fais du tir sportif. Exactement, voilà. Je fais du tir sportif depuis 15 ans, donc qui est un loisir, qui est une passion pour beaucoup de tireurs en France. Qui est, notamment, ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà en France, on est l'un des pays d'Europe les plus durs pour avoir des détentions d'armes légales. Ouais. Je dis bien, et tous les méfaits qui sont faits en France sont faits avec des armes non légales. Ouais, et on vient nous plomber, nous, qui sont tout à fait autorisés et suivis par la préfecture. Mais t'avais quoi comme arme, genre? Donc moi, c'est bon, c'est je connais un petit peu les Glock, donc Glock 19, Glock 17, Glock 26. C'est ce que le Glock 26, par exemple, c'est ce que la police judiciaire sont équipés de ça. Enfin, les trucs un petit peu spécialisés dans la police ont ça. Après, ils sont à le Colt 911. Ouais, c'est le pistolet de base américain, c'est débarquement. Voilà, non, du débarquement, le pistolet de base. Exactement. Voilà, qui a été refait, qui est plus moderne. Avec la crosse en bois. Exactement. Si tu veux, on garde toujours le modèle. On dit modèle 911. Après, t'as les Sigsauer 911, les Colt 911. Ouais, mais Sigsauer, c'est les armes des flics. Ouais, c'est connu de nom. Attends. Et pourquoi t'as été arrêté à 6h du matin? Parce que là, tu ne dis pas le truc. Exactement. Donc, garde à vue, etc., etc. Parce qu'en fait, moi, j'ai côtoyé des mauvaises personnes qui étaient au centre de tir que je ne savais pas. Et comme étant ancien militaire, on se dit vite, malheureusement, les policiers. Les enquêteurs se font vite une idée, mais une idée personnelle. Donc moi, qui m'ont bien foutu dans la merde. Donc moi, je leur ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais genre quoi, en fait, c'est parce que t'avais des copains qui étaient un peu limites. Exactement. Ben non, mais on peut revenir. Non, ça peut être des mecs qui étaient fichés, des mecs qui faisaient du trafic d'armes, du grand banditisme, etc. Dans les stands de tir. Ah mais bien sûr, mais dans les stands de tir, en fait, ils viennent se renseigner. Où il y en a qui viennent tirer avec des gens qui légalement, etc. Donc en fait, dans un centre de tir, c'est très grand et vous pouvez être initié par d'autres personnes, etc. Ce qui est normal parce que quelqu'un qui a envie d'apprendre à faire le tir, au début, il n'a pas de licence, etc. Il faut bien l'initier. Donc il y a les règles de sécurité, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, les mecs, attends, juste parce que t'étais avec eux, ils se sont fait chier de chercher à 6 heures. En général, c'est quand même, ils ont des preuves pour venir. Bah ouais, t'es mêlé. Ah non, le problème, c'est que nous. Parce que j'étais dans une voiture noire, avec des amis qui roulaient à 300 km/h avec 200 kg de shit. Moi, je croyais que j'allais faire un foot. Ils avaient tous des cagoules. J'ai commencé à me poser des questions quand on a foncé dans un barrage. C'est le mec, il joue trop naïf. Non, mais tu sais bien, quand il traîne avec des mecs dans le grand banditisme, ça se voit quand même, non? Moi, mes potes, tu vois bien qu'ils sont pas. Ouais, après, tu sais pas, peut-être. Il te cache un truc. Non, franchement, tu peux pas savoir. Et bon, moi, j'avais aucun antécédent, etc. Mais étant ancien militaire, etc. et tout, si tu veux, ils te font un petit peu un profil. Et en fait, juste pour des vérifications, ils viennent te chercher chez toi, ils te posent des questions et tout. C'est ce qu'on appelle une mise en cause. Ouais. Donc en fait, tu peux avoir une mise en cause, ils viennent te chercher chez toi, ils te mettent en garde à vue 24-48 heures. Et après, c'est le procureur qui décide de te poursuivre. Alors, t'as rien fait, juste pour être sûr. Putain, t'es dégoûté. Exactement. Bah ouais. J'ai fait un tennis avec. Ah ouais, juste parce que tu le connais. C'est ça le problème, c'est qu'il suffit que tu peux avoir ton meilleur ami, malheureusement, il fait des trafics ou quoi que ce soit, et bah, tu vas être convoqué ou ils vont te mettre en garde à vue pour savoir, monsieur, vous l'avez connu où, vous l'avez connu à quelle heure, etc. Après, bon, ils te disent, bon, ok, monsieur, Putain, la vache, tu te tapes, ils te défoncent la porte. T'as ta fille d'un an qui te lève. T'as plus de force. Tu te retrouves 24-48 heures en vue. Et à la fin, on te fait des excuses et on te dit oui, bon, excusez-nous, mais vous aviez quand même un profil qui pouvait correspondre. Genre, quand ils sont rentrés, ils t'ont pointé et tout avec des armes? Oui, c'est ça. Bon, ils ont défoncé la porte. Moi, j'étais en train de dormir, donc bon. Mais ils toquent avant, non? Oui. Bah non. Bah si, sûr. Bah, sur M6, ils toquent. Hein. Mais bien sûr, il est M6. Mais non, il casse la porte au bout de 5 minutes. S'il ne pas, il casse la porte. Ça, c'est le monde des bisounours. C'est le monde. Non, et d'ailleurs, il faut mieux casser la porte et rentrer avant. C'est pour les vrais méchants. Mais là, tu vois, par exemple, ils n'ont pas le temps d'attraper une calache. T'imagines, tu toques avant. Ils auraient pu économiser une porte, l'armée. T'as la police. Prenez les calendriers d'armes. C'est clair. Et donc, les mecs, ils t'ont pointé. Il y avait ta femme dans le lit ou pas? Non, j'étais tout seul ce soir-là, donc heureusement, donc moi j'ai mes filles en pension, donc heureusement. Oh putain. Mais voilà, bon moi j'étais pas en stress, etc. Parce que voilà. Non mais attends, voilà, t'es pas en stress, etc. Excuse-moi, tu te lèves à 6h du matin. Ah ouais, t'es attends, tu bouges pas juste 2 secondes, Charles, on va juste dire à Marco. Marco, est-ce que tu viens faire le minimum en 30 secondes, s'il te plaît? Ouais. Alors, attends, j'attrape une feuille blanche, je prends un stylo, on vous file des week-ends à Disneyland Paris, les gars. Le 8 juillet, il y a un festival qui s'appelle Electroland. Je vous offre la nuit d'hôtel, pour deux personnes, les entrées pendant deux jours et des rencontres avec Steve Aoki. Ça vaut quand même 800 boules, hein, l'hôtel. Ah, c'est pas mal, je vous file ça maintenant. Guillaume, un espace et la réponse de l'énigme avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Si vous avez trouvé, on se fait l'énigme, ensuite on se fait le jeu de l'arme du crime et on se fera aussi dans la foulée. On va parler de cucu. On a c'est l'un d'entre vous qui a eu une demande bizarre de la part de. Non, c'est quoi, Aude? C'est Johan, pardon, qui sa meuf lui a demandé de lui pisser dessus, en fait. Ah ouais, original. Ouais, les demandes originales. Ouais, c'est bien, ouais. Mais c'est original. Ah, dessus, on va en parler après. Ouais, Marco, après le pipi, il y a les. Ouais, j'aime bien. On en parlera. Tu vas rester nouveau sujet. Guillaume et la réponse avec votre numéro 612. On t'écoute pour la première phrase. Vas-y, je l'écris en même temps. Alors. Il y en a de cuisine. Ouais. Il y en a de cuisine. Attends déjà là. Guillaume et le mot au 612. Allez-y. Guillaume en espace. La bonne réponse, l'énigme avec votre numéro de téléphone dedans au 612. Deuxième phrase. Quand ils sont tirés, il y a de la tension. Quand ils sont tirés, il y a de la tension. Il y en a de cuisine. Quand ils sont tirés, il y en a de la tension. Il y a de la tension. Est-ce que ce serait les recettes? Non. Les livres? Non, c'est pas ça. Il y en a qui dit les meubles. Toujours pas. Une table de cuisine. Pas du tout. Une chaise de cuisine. C'est faux. Je te lis les messages qui arrivent. Est-ce que ce serait le bar? Non. Attends, il y en a de cuisine. Quand ils sont tirés, il y a de la tension. Un ustensile. On continue. Troisième phrase, qu'est-ce que c'est? Alors, le papillon n'est pas un animal. Le papillon n'est pas un animal. Quatrième phrase. Certains brouillards se coupent avec lui. Cinquième phrase. On mange avec lui et une fourchette. Ah bah c'est bon, les données. Sixième phrase. Il ne faut pas le remuer dans la plaie. Il ne faut pas le remuer dans la plaie. Guillaume est la bonne réponse au 612. Week-end à Disney, les mecs, tout frais payé. Bah ouais. Pour aller le 8 juillet à Disney, à l'Electroland, et rencontre avec Steve Aoki, l'hôtel de ouf et tout. Vous allez accéder au parc la nuit, ça défonce. Chalipousse, attention, et on prend le gagnant. Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro au 612 sur Energy Manor, les gars. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. 22h à minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de 22h à minuit, bonne soirée. 22h, 10h du soir jusqu'à minuit sur Énergie. Guillaume Radio 2.0, on termine l'énigme là en 30 secondes. Et ensuite, on va parler de sexe avec l'un d'entre vous. Sa copine lui a demandé si vous pouvez lui pisser dessus, on va en parler. Les demandes un peu originales dans le sexe, c'est rigolo ça. Et Marco de Nancy. Oui. Oui, vous allez bien. Vous allez bien. Tu es trop débile, Bourbi. Un vrai débile. Ton swag est trop débile. Numéro 1 sur la grande musique, non. Alors, Marco, on va lâcher d'abord l'énigme une dernière fois, juste pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous fais des week-ends à Disney, c'est original comme cadeau. Week-end à Disney, nuit à Disney à l'hôtel, Istanbul la nuit, rencontre avec Steve Aoki pour l'Electroland le 8 juillet. À Disney. C'est écrit limite pour moi, ça. Ça sera un samedi, je crois. Le 8 juillet à Disney. on vous file ça maintenant. Guillaume est la bonne réponse de l'énigme. Est-ce que tu veux bien répéter, s'il te plaît, une dernière fois? Oui, il y en a de cuisine. Quand ils sont tirés, il y a de la tension. Le papillon n'est pas un animal. Certains brouillards se coupent avec lui. On mange avec lui et une fourchette. Il ne faut pas le remuer dans la plaie. Qui suis-je ? Voilà, qui suis-je donc ? Il y en a de cuisine. Quand ils sont tirés, il y a de la tension. Le papillon n'est pas un animal. Certains brouillards se coupent avec lui. On mange avec lui et une fourchette. Il ne faut pas le remuer dans la plaie. Qui suis-je ? On mange avec lui une fourchette avec un et une fourchette. Certains brouillards se coupent au... Putain, c'est vraiment un brouillard à couper au... Le papillon, le... papillon n'est pas un animal. Quand ils sont tirés, on dit... Ah, c'est... alors là, il y a de la tension, c'était vraiment un... tiré. Il y a des... de cuisine. Et il ne faut pas remuer le dans la plaie. Facile. Voilà. Guillaume et le mot, les gars, juste ce mot-là en 30 secondes. On termine l'énigme, ensuite on passe à la suite, on parle de cul direct. Guillaume et le mot au 612. Qu'est-ce que ça peut être? Allez-y, Guillaume et le message au 612. Est-ce que ce serait l'assiette? Non. Est-ce que ce serait les couverts? Pas du tout. Les messages, les bouchons, est-ce que c'est les bouchons? Non, c'est pas ça. 06 16 20 63. Est-ce que ce serait les câbles? Toujours pas. 06 87 88 09, salut à toi. Est-ce que ce serait les instruments? Non. 06 64 05 81. Eh ben, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que ce serait les gants? Et non, Guillaume. Eh ben, c'est pas les gants. Est-ce que ce serait l'air? L'air, ailleurs. Non, ailleurs, t'as marqué. 06 29 57 51. La ficelle. Pas de numéro. C'est pas ça. C'est arrivé à l'instant là. Guillaume, la réponse au 612. Il ne faut pas le remuer dans la plaie. On mange avec lui une fourchette. Certains brouillards se coupent avec lui. Et est-ce que ce serait le couteau qui arrive? Ouais, c'est ça. Bah, on allait vite. Ah ouais. On a été efficace. On appelle direct. C'est pas halal tout ça. C'est pas halal. Faut faire du pif, de la moula, du caramel. On vous file maintenant, les gars. On vous file, on se fait plaisir. Je vous file les places pour Electroland avec les deux jours à Disney et l'hôtel. Allô. Allô. Oui, bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir, c'est quoi ton petit nom? Baptiste. Ça va ou quoi, Baptiste? Salut mec. Salut. Ça va très bien. Ça va? T'as quel âge? T'es d'où, Baptiste? J'ai 14 ans et je suis de Moravie et j'étais déjà passé sur votre émission une fois. C'était quand? Il y a un tout petit mois. Ah, vas-y, c'est cool. Ah ouais. Vas-y, 14 ans, tranquille alors. Et t'as dit que tu venais d'où? Moravie. Moravilliers, ouais. Dans combien? 78. Ah bah représente. Les Yvelines, ouais. Les Yves représentent. Ouais. Les Yves. Vas-y, c'est gentil. Et bah vas-y, Baptiste, je t'envoie à Disney, tu sais quoi, je te file les places là. Ouais, bravo. Non, ok. Je me sens trop mal. Enfin, non, tu rigoles, on a la maison. C'est un bon cadeau. J'étais sur mon téléphone et là, genre, tout s'éteint et je vois un numéro masqué. Je fais. Eh ouais, c'est nous. Oh, la vache. Eh, c'est trop bien. Eh, on va te présenter Steve Aoki, le DJ là. Enfin, on va te présenter. Les mecs là-bas, t'auras une place. On connaît pas, mais. Voilà, moi je connais pas de star, mais tu. Tu en tout cas, voilà. C'est plaisir, Steve Aoki, grosse star de la nuit. Et gros DJ. Donc, on te file les places et la rencontre, d'accord, poteau? Et tu dormiras là-bas. Merci. De rien, avec plaisir. Oh, c'est trop bien. Eh ben, je t'envoie, tu fais une dédicace pour toi de partir. Ouais, bah une petite dédicace à Mathieu Nas, c'est mon meilleur ami d'enfance qui est parti vivre en Allemagne et voilà. Ok, Baptiste, eh ben vas-y, c'est plaisir mon poteau. Merci. Je te repasse le standard et on va noter ton adresse tout de suite pour les places, d'accord? Bravo mec. Bien joué. Bon courage. T'es en quelle classe toi, Baptiste? Quatrième. Pas le brevet. Tranquille cette année là. Tranquille. T'as pas le brevet et tout. T'es en quelle classe, Marco, toi? Moi, je suis en seconde, je passe en première. Là. Ah, bah ça va, tous les deux, vous êtes bien cette année. Là. La quatrième, cool. Seconde, vous êtes tranquille. Ouais. Avant qu'on parle de cul, tu fais une dédie? Ouais, bah dédicace à Thibaut, à Mathieu qui m'écoute en ce moment. Ouais. On se revient de l'internat, Mickaël. Vas-y. On bip le gueule à lui et puis à vous, je vous écoute depuis 5 ans, voilà, tous les soirs. Ah, c'est comme gentil, ça, merci. Voilà. Est-ce que tu les écoutes pour la musique? Ce genre de musique? Tu écoutes pour autre chose. I ou A A Ding ding walla walla bang bang I tout ta ta Ding ding walla walla bang bang I tout ta ta Ding ding walla walla bang bang. On a des bonnes musiques ici. Ah ouais, toujours. Et numéro 1 sur les gros hits. Allez, vous bougez pas, 30 secondes de bébé. Je t'embrasse, mon poteau Marco aussi. Bon courage. Ouais, bisous, mec. Eh, bonne vacances. Tu pars où cet été, Marco, en vacances? Cet été, je partirai en Italie un petit peu. Ah. En Italie. Et toi, à Baptiste Paris. Bah, j'habite aussi à Genève. Moi, je pars en Corée chez un pote. Eh bah, kiffez les. Vous bougez pas, 30 secondes, on parle de questions. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Le site Glidden a annoncé que cet été, les femmes qui sont en couple, qui cherchent un amant, porteront un maillot de bain rouge. Ah, c'est un code pour les initiés, quoi. Apparemment, oh là là. C'est ça. Blendu. Ils auraient pu mettre un truc quand même un peu moins voyant, quoi. Parce que rouge, il y en a beaucoup. Ils auraient pu mettre des rayures violettes et jaunes. Au moins, le message était vraiment clair. Ouais, le message est clair. T'as des goûts de chiottes. Rendez-vous demain, 6h, 9h30, sur Énergie. Comme Spider-Man, il a des pouvoirs qu'il ne soupçonnait pas. Comme lui, il a des réflexes, des sensations que les autres n'ont pas. Comme Spider-Man, il sauve des vies. Il, c'est Sam. Et Sam, ça peut être toi. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouve Sam avec Spider-Man au cinéma et sur les réseaux sociaux. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie Somme est en mai 2017. Tous les hits Énergie sont réunis sur 3 CD avec en exclu Ed Sheeran, Bruno Mars, Katy Perry, Jason Derulo, Boumaye, Imagine Dragons, T-Jazz, Anne-Marie, Black M et Shakira, Major Lazer, Louis Fonsi. La compil Énergie Somme est en mai 2017. Déjà dans les bacs. Cherchez l'âme sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil? Flou au 7-20-12. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 7-20-12. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U, au 7-20-12. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. Prends ton destin en main. Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. De 22h à minuit sur Énergie. C'est Guillaume Radio 2.0. Il y en a un qui dit la femme de mon patron m'a montré sa chatte, je sais pas quoi faire, je peux me faire virer non plus. Ah, c'est une blague. T'as rien fait. Une femme ne montre jamais sa chatte. Non, non. Après, c'est les shows de. Non, mais c'est vrai, c'est pas un truc que tu fais quand t'es une meuf. Bah, si, il y en a qui aiment du patron. Attends, direct, à 26 juin, il est 23h54, il y a du foot aujourd'hui. Non, il y a rien. Sport, rien. Pas de sport en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'actu là? Bah, je sais pas. Attends, un truc pour vous prouver qu'on est bien en direct et qu'il n'y a pas de décalage et tac-tac-tac là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Le chanteur de Pour le plaisir à Léonard dans le Paris depuis 6 jours. Le pauvre. Stéphane Guillon, viré de ses terriens. C'est aujourd'hui. Ouais. Audrey Lamy et Lou Denis quittent la série côtière de M6 Scène de ménage. Voilà. Ça commence à faire beaucoup de trucs. J'ai jamais réussi à Shazam ta musique chinoise là. Tu peux nous le remettre 5 secondes? Attends, c'est pas chinois. Hein. Attends. Ah non, celle-là, je crois. J'espère que t'as pu la voir. Alors, là, si tu me dis, j'ai pas eu le temps d'aller me monter. On est 1 million à subir hein, pour qu'on puisse la chasamer. Marco, qui lâchait Nîmes, qui était avec nous avant, et puis on va parler de sexe dans 30 secondes. Juste une passion dans la vie qui t'a un peu caché la vie pour terminer, juste pour l'équipe. Flo des cadeaux, on l'a pas dit. Moi, c'est un jeu de cartes, les cartes Magic. J'ai fait ça pendant toute ma première. Et je me suis niqué toute ma première. Putain, il y a des mecs qui jouaient à ça qui étaient fous de ça. Ah ouais, mais moi ça m'a pris vraiment mon année. Plus j'étais à l'internat et il y avait 2-3 mecs qui jouaient avec moi. Et donc on passait nos nuits à ça. Et donc je suis passé limite, j'ai niqué mon année. Oh là là, ouais. Non mais ça je comprends. Bah après, oui. Mais je comprends, c'est-à-dire que c'est des trucs qui paraissent. Ah vraiment, ouais. T'étais ouais. Pas le seul quoi. Il y en avait en plus, beaucoup tu mets du fric dedans et tout. T'achètes des petites pochettes pour chaque carte. Ah bon? Ah ouais, ouais, des pochettes plastiques pour pas que les cartes elles s'abîment. Oh là là. Et maintenant, je m'en bats les couilles, elles sont dans un placard. C'est vrai? Tout ça pour ça, ouais. Ah, fallait acheter des cartes spéciales, avec des protège-cartes. Bah, tu pouvais ne pas les cartes. Acheter, mais c'était mieux quand elles étaient protégées. Et après, protégées, tu pouvais échanger contre d'autres cartes, c'est ça? Ouais, ouais, tu pouvais après faire des échanges, ouais. Mais tu joues aux cartes, c'est-à-dire tu fais quoi avec qui? Cartes magiques, j'ai jamais compris. Bah après en fait tu fais des combats, il y a des règles et le but du jeu c'est de descendre les points de vie de l'adversaire quoi. Ah ouais, Jordan l'apprenti, tu connais? Ouais, c'est comme ça, c'est comme Yu-Gi-Oh, Pokémon, ouais, c'est le même principe, t'as des cartes, tu peux les équiper avec des cartes magie, des trucs comme ça. Après les noms changent, mais sauf que Magic. Ouais, c'est le même principe. Ouais, faut aimer. Bah c'est l'ancienne des cartes Pokémon. Oui oui, bah ça existe depuis 30 ans, donc t'as tellement de nouvelles cartes qu'aujourd'hui si tu veux te lancer, c'est impossible. Ah oui. Bah ouais, parce si tu veux te lancer, non, il y a tous les mecs au BU qui jouent encore. Ouais, mais bon, aujourd'hui, mais si tu veux, tu veux tout reprendre depuis le début, c'est quasiment impossible. Et tu les achètes où, là, dans les marchands de journaux? Il y a des magasins spécialisés ou dans les genre les Cultura ou les trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, putain. Non, mais c'est vrai, ça coûtait cher, genre. Ouais, ouais, ça coûte cher. Ça peut coûter cher. Surtout ouais. Si tu veux être un peu compétitif, il faut vraiment mettre du fric. Et si tu veux être compétitif, c'est la compétition. C'est idiot, ouais. C'est pas drôle de jouer et de te prendre que de débranler, quoi. J'ai entendu tu jouais, il y a un truc qui t'a gâché la vie un peu, une passion qui t'a gâché la vie. Je disais déjà les jeux vidéo avant, et même les cartes, c'est vrai que quand je regarde chez moi, j'ai des sacs et des sacs de cartes Yu-Gi-Oh! Moi, c'était Yu-Gi-Oh! Eh ouais. Ah oui, j'adorais Yu-Gi-Oh! Le dragon blanc aux yeux bleus, je le voulais, j'ai dépensé 8000 euros pour l'avoir, le truc. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était une galère. Tu ne diras plus jamais, t'avais besoin d'argent quand t'étais jeune. Oui, c'est vrai, ça m'est le mec. Cohérent. Non, mais pas 8000 balles, mais j'ai compris. Ouais, tu m'étais dépensé surtout l'argent de mes parents, en fait. Ouais, c'est l'argent de mes parents. C'était pas tellement bien. Il y en a qui t'achetaient des cartes et tout ça. Ouais, moi, j'ai kiffé, ouais. Mais à l'époque, t'achetais. Ouais, c'est dur à dire, mais. Merci mec. Ah, non, mais alors là, ça va aller pour notre Fares de Barbès, notre stagiaire. Il est noté. Qui fait un top des bugs et un top de tout ce qui nous arrive dans la semaine. On le réécoutera. Merci. Alors, tu disais Jordan Abruzzi. Moi je disais rien du coup. Prends ton temps. Non mais prends ton temps, vas-y. Oh là non, là. Du coup tu l'es trouvé dans les bureaux tabac. Et, ça, et à l'époque tu pouvais la. Enfin moi je les achetais. Lui c'est comme il est grand. Tu fais salut prêt à. Ah ouais, je regarde pas. Regarde. Il y a des gros yeux là. Il y a des cartes qui valent hyper cher. Il y en a une dans les Magic justement qui s'appelle le Lotus Noir qui est la carte la plus rare. Ah oui. Elle vaut 24 000 euros. Oh ouais. Mais qui va l'acheter? En fait deux en fait. C'est une édition qui n'existe plus et c'est quasiment impossible à trouver. Ah ouais. Et 24 000. Il y en a une qui doit être en train de pourrir chez quelqu'un. Ouais. Qui sert à rien. Et il y avait un mec qui faisait justement sur YouTube, il ouvrait des paquets de cartes et tout et il avait acheté un vieux stock et dedans il y avait cette carte là. Ah c'est vrai. Mais non. Le mec il pète un câble en direct. Quoi. Ah ouais, ah là là. Que tu la revends. Il vient de trouver un trésor. Ah ouais, c'est un trésor. Bah 24 000. Une carte, hein, c'est bon. Hein. Ah bah oui, mais bon. Et qu'est-ce qu'il y a, Aude? Non, mais moi je trouve ça ridicule en vrai. Ouais. De quoi? De quoi les cartes comme ça? Bah une carte à 24 000 euros. Ah oui, non, on est d'accord. Non, on est d'accord. Mais c'est comme les timbres. Non, mais c'est des collections. Mais oui, c'est une collection. Oui, ouais. Comme c'est un modèle unique, hein, voilà. Ouais, mais 24 000 euros. Mais c'est comme s'il y avait iPhone. Comme les chaussures. Tu te faisais un iPhone 6, iPhone 5. T'es entre le 6 avant qu'il y ait le 7 qui sorte. T'en as un, bah il vaut cher, quoi. Franchement, ouais, c'est comme un tableau d'un mètre et tout, il y en a qu'un, quoi. En fait, c'est la rareté qui fait le prix. Ouais, mais là, c'est un bout de carton. Mais si tout le monde avait des Ferrari depuis toujours, c'est comme un jour de et foot. Que Renault avait fait des voitures en forme de Ferrari, tout le monde aurait une Ferrari, ça coûterait 20 000 balles. Ouais, et en fait, voilà. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est parce qu'il y en a beaucoup moins, donc ça coûte plus cher. Bah oui, c'est ça. Le matériel est plus cher aussi. Enfin, matériel, le luxe. Et pourquoi t'as une passion qui t'a un peu ruiné ta vie, Aude, toi? Ouais, moi, c'était le jeu, et sinon, j'avais les feuilles d'idole avant. C'est le carnet. Non, mais c'est ridicule. Tu peux parler. Aussi, mais c'est...